Finissez votre soirée sur une note paranormale avec François C. Bourbeau, Contact Choc. Bonsoir, mesdames, messieurs. Enchanté de vous retrouver en cette belle soirée du mardi. On date toujours nos événements, on sait jamais. 15 novembre 2005, bien sûr, après Jésus-Christ. Ce soir, beaucoup de choses sur le programme. Des invités absolument passionnants, des invités choc, bien sûr. Et des invités de très haut calibre pour vous faire réfléchir, pour nous aider à réfléchir sur des questions qui, malheureusement, trop souvent, sortent de nos cadres normaux de notre société dite policée et qui mériterait, selon moi, plus souvent notre attention. Notre premier invité ce soir, Monsieur Yves Sillard, est né le 5 janvier 1936 à Coutances, en France. Après avoir complété des études à l'Institut Polytechnique ainsi qu'à l'École supérieure d'aérotechnique, il entre en 1960 à titre d'ingénieur général de l'armement au Centre d'essais en vol. En 64, il est nommé au secrétariat général à l'aviation civile comme responsable du programme Concorde. En 65, il devient responsable de la construction du CSG. C'est le Centre spatial guyanais. Là où on fait décoller la fameuse fusée du programme du lanceur Ariane, mesdames, messieurs, le fâcheux compétiteur de la navette spatiale. Et les Américains détestent Ariane parce que ça leur enlève de la job. Notre prochain invité est de marque, je vous l'ai dit. Il dirige donc le CSG de 1969 à 1971. En 1976, il prend alors la direction générale du CNES. CNES voulant dire le Conseil national d'études spatiales. Jusqu'en 82. Là, il participe alors à la création du GEPA, le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés, parce qu'il constate la qualité du travail réalisé par un homme qui, de l'intérieur, Claude Power, fait un excellent travail. De 82 à 88, il est président-directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il devient ensuite et d'abord délégué général pour l'armement. Attention là, pour l'armement, je dis bien, de 89 à 93. Puis président-directeur général de la Défense Conseil international de 94 et 97. Et en avril 97, il est chargé de mission pour la politique spatiale auprès du ministre de la Défense. Mesdames, messieurs, qu'on ne vienne pas me dire après ça, après une présentation aussi lénifiante, que le phénomène des ovnis n'intéresse que Raël. Informez-vous auprès des bonnes personnes, s'il vous plaît. Et je m'adresse ici à mes collègues journalistes et à mes collègues des médias, de la presse parlée, écrite, électronique. Lâchez-nous avec vos questions imbéciles et faites votre job. Renseignez-vous auprès des vraies personnes, celles et ceux, ces hommes, ces femmes, qui, du domaine de la science, se posent des vraies questions. Yves Sillard, mesdames, messieurs, est un pilote breveté militaire de l'armée de l'air française. Il possède 1200 heures à son propre carnet de vol. Mesdames, messieurs, je suis très heureux, mais très heureux parce que j'ai travaillé longtemps avant de réussir à enfin l'avoir en bout de piste. C'est le cas de le dire pour un pilote, il va me comprendre. On l'a rejoint plus tôt, cette semaine, dans le cadre de l'émission Contact Choc, afin de lui poser toutes les questions sur le programme français de l'heure, financé par un État, le seul qui reste après le Project Blue Book américain, qui étudie sérieusement la problématique du phénomène des ovnis sur cette Terre. Monsieur Yves Sillard, bonjour. Bonjour. J'ai besoin de savoir d'abord qui êtes-vous et pourquoi a-t-on choisi Yves Sillard pour piloter ce nouveau dossier qui consiste à remettre sur pied, sur les rails, l'ancien CEPRA qui devient le GEPAL finalement. Voilà. Ben écoutez, j'ai eu pas mal d'activités. En particulier, j'ai eu une longue carrière au CNES, au Centre National d'Études Spatiales. J'ai été successivement responsable de la construction de Kourou, du développement d'Ariane. J'ai été le directeur général. Et puis ensuite, j'ai été aussi le délégué général pour l'armement et un certain nombre d'autres choses. Et j'ai terminé comme secrétaire général adjoint pour les affaires scientifiques à l'OTAN. Voilà en gros ce que j'ai fait. Alors on souhaitait avoir, pour présider ce comité dont on va reparler, et qui traite d'un sujet un petit peu sensible, on souhaitait avoir quelqu'un qui soit tout à fait indépendant, qui ait fait la preuve quand même de son calme et de son caractère raisonnable, et je crois que c'est un petit peu pour ça qu'on s'est adressé à moi, indépendamment du fait que je suis quand même, j'ai beaucoup travaillé dans les affaires spatiales. Et vous, en plus, Monsieur Sillard, vous êtes un pilote, hein? Vous avez plus de 1200 heures de vol à votre carnet d'enregistrer jusqu'à maintenant. Vous avez piloté des avions de chasse? Voilà, quand j'étais jeune, si vous voulez, j'étais ingénieur d'armement, j'ai eu la possibilité de passer mon brevet de pilote de l'armée de l'air. C'était pas celui de pilote de chasse, c'était celui de pilote de transport. Mais étant ensuite au centre d'essai en vol, j'ai piloté pendant les premières années de ma carrière toutes sortes d'avions et j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Bon, en 1200 heures de vol, vous est-il déjà arrivé de rencontrer un phénomène aérien de nature non identifiée? Absolument pas. Alors là, je vous dis tout de suite, moi, je suis très ouvert sur le sujet car je n'ai jamais rien observé personnellement. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai toute l'indépendance d'esprit nécessaire pour pouvoir traiter de ce sujet. Bon, si on vous a choisi pour relancer les activités du l'ancien CEPRA, là on appelle ça maintenant le GEIPA, c'est ça? GEIPAN. PAN. Voilà, groupement pour l'étude et l'information sur des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Voilà, alors ce groupe est redynamisé, si je puis dire, parce qu'il existait sous un nom voisin, sous un nom un peu différent au cours des dernières années, pour le superviser, l'appuyer, etc., lui donner le support psychologique dont on a besoin, dont il peut avoir besoin. On a créé en même temps un comité de pilotage, qui est donc le comité de pilotage pour l'étude et l'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, dont précisément j'assure la présidence. Et cette présidence qui est assurée, ça se fait encore tout de même dans un cadre qui est contrôlé par le CNES, le Centre national. C'est à la demande du président du CNES, si vous voulez, que j'ai pris la présidence de ce comité. Et bien entendu, je mène ce comité en étroite liaison avec la direction du CNES. Sachant que dans le comité lui-même, si vous voulez, il y a trois représentants du CNES, et puis il y a des représentants de tous les services qui, au plan national en France, sont susceptibles d'être intéressés par ce sujet, des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, il y a un représentant de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la sécurité civile, de l'armée de l'air, de l'aviation civile et de la météorologie nationale. Et enfin, il y a quatre scientifiques qui sont là à titre personnel dans des domaines assez différents. Le ministère de la Défense est impliqué là-dedans aussi? Alors, le ministère de la Défense n'est pas impliqué en tant que tel. D'ailleurs, j'ai pensé peut-être un jour demander à quelqu'un de la Délégation Générale pour l'Armement de participer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais il y a quand même, bien entendu, un représentant de l'armée de l'air qui est plus là en tant que représentant les pilotes qui font partie des témoins particulièrement privilégiés et intéressants. Bien que, comme vous le disiez tout à l'heure, moi-même, je n'ai jamais été témoin. Mais l'armée de l'air est représentée dans notre comité, plus parce que elle est à même de recevoir des témoignages de certains de ses pilotes. Mais il faut aussi comprendre, j'imagine, écoutez, la France a des satellites là en orbite. Alors, si ces objets-là volent, forcément, il y a des détections, elle est placée aux premières loges, puis il faut défendre le territoire. Alors, il y a sûrement un intérêt de la part des forces armées de suivre le dossier de plus près. Voilà, alors si vous voulez, on ne peut pas dire qu'actuellement il y a un souci très fort de côté de la défense de suivre ce sujet. Pourquoi? Il n'est pas considéré comme actuellement, à tort ou à raison, je n'en sais rien, susceptible de poser des problèmes de sécurité. Il est possible qu'un jour cette position change. Mais donc le ministère de la Défense pour l'instant est plus n'est pas là en tant que tel, et donc il est comme les autres ministères en France intéressé par les résultats éventuellement qui peuvent sortir de ces études que nous menons. Parlons-nous franchement là, quel est l'intérêt d'étudier les ovnis actuellement sur le territoire français à l'aide des impôts, des payeurs d'impôts français, s'il n'y a pas un intérêt de découvrir la technique qui propulse ces engins pour en trouver une applicabilité technique ou technologique dans la société afin de faire des sous avec ça? Quel est l'intérêt d'étudier les engins? Écoutez, je pense que le seul intérêt dans la vie, c'est pas de faire des sous ou de regarder les choses sous un angle militaire. Si vous voulez, ce problème des objets, des phénomènes qui se produisent dans l'atmosphère, appelons-les des phénomènes aérospatiaux rares, et qui interpellent des milliers de témoins. Alors là, pour l'instant, nous plaçons en France, mais ça se passe également dans d'autres pays. Et dans un deuxième temps, d'ailleurs, je n'exclus pas que nous cherchions à nous connecter davantage sur le plan international. Mais pour l'instant, nous plaçons en France, parce que nous avons en France, au cours des 20 ou 30 dernières années, des milliers de personnes qui ont vu des phénomènes qui leur échappaient. Mmh. Alors ces gens-là sont des gens sérieux, du moins pour la plupart d'entre eux, disons, et qui s'interrogent et qui voudraient bien savoir ce dont ils ont été témoins. Alors, lorsque j'étais en 1977 directeur général du PES, j'avais déjà créé ce groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, car il me paraissait tout à fait dans la vocation du PES, qui s'intéresse à tous les problèmes de l'espace, d'essayer d'aider les gens à comprendre. Et donc c'est dans cet esprit-là que ces observations, si vous voulez, méritent d'être analysées pour essayer de répondre aux questions que se posent les gens. Ça c'est la première étape, si vous voulez. Hein, et puis ensuite, bien entendu, il peut en sortir des conclusions plus ou moins porteuses en matière de hypothèses sur certains de ces phénomènes. On reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure. Et dans ce cas-là, on peut être amené, dans un deuxième temps, à regarder peut-être les conséquences technologiques qui peuvent être tirées des réflexions sur ce sujet. C'est très certainement, si vous voulez, une des motivations que l'on trouve aux États-Unis. Monsieur Sillard, là, si je vous comprends bien, vous êtes celui qui a mis sur pied le premier GEPAN. Oui. C'est vous qui a lancé ça. Oui, j'ai lancé ça en 1977, quand j'étais directeur général du PES. Parfait. Là, je comprends mieux. Première affaire, on va y aller par étapes, là. Si donc vous me dites, si je résume bien votre pensée, vous avez donc voulu créer tout ça, c'était pour répondre aux questions de tous ces témoins qui disaient avoir vu des choses sur le territoire français. Voilà. Si le mandat est donc de répondre à ces questions, comment se fait-il qu'on évacue Jean-Jacques Velasco, qui de toute façon répondait à votre mandat puisqu'il essayait, dis-je bien parce que là on l'a tassé, de répondre à ces questions dans le public? Et constamment, il devait dire, quand il parlait, qu'il parlait en son nom et non pas au nom du CEPRA. Vous parlez de Jean-Jacques Velasco, j'ai pas très bien compris. Exactement, je parle de... Et ben Jean-Jacques Velasco, si vous voulez, donc, a été le responsable de ce groupement que j'avais créé en 77. Ben oui. Il y a travaillé pendant plus de 20 ans. Mm-hmm. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que sur ce sujet, qui devrait être abordé avec beaucoup de calme et beaucoup de sérieux, et qui est, comme je le disais tout à l'heure, qui est très sérieux. On assiste sans arrêt à des réactions totalement passionnelles et à des opérations de déstabilisation, de désinformation, si vous voulez, organisées, qui visent à déstabiliser, voire à ridiculiser tous les gens qui traitent ce sujet, qui essayent de traiter ce sujet sérieusement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après que j'ai créé le GEPAN, au fil des années, certains de mes successeurs se sont un peu laissés gagner par cette pression médiatique et ont un petit peu reculé, si vous voulez. Et donc le GEPAN ne s'est plus appelé le GEPAN, il s'est appelé le CEPRA, le Service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique. Et puis on a laissé ce brave Jean-Jacques Velasco, qui travaillait très bien, on l'a laissé très seul. Et il a travaillé, il a eu énormément de mérite et il a continué à enregistrer toutes les données qu'il était possible d'enregistrer en étant très peu soutenu par son organisme. Alors il y a quelques 3-4 ans, il est apparu anormal que cette situation se poursuive, et la question s'est posée, faut-il continuer cette activité et ou l'arrêter, ou si on veut la continuer, comment? Et donc il y a eu un audit qui a été confié à quelqu'un. Je possède l'audit de François Louange, effectivement. Voilà, vous l'avez, très bien, et alors qui a interrogé, comme vous l'avez vu, des personnalités dans des domaines extrêmement variés, et la conclusion a été de dire, oui, ça vaut la peine de continuer, il est tout à fait normal que le CNES continue cette activité, sans y mettre des moyens extraordinaires, mais en n'ayant pas peur de dire qu'il mène cette activité, et en lui donnant des moyens normaux. Et donc, et en même temps, comme je disais tout à l'heure, en épaulant cette activité au sein du CNES, par un comité de pilotage composé d'un certain nombre de personnalités extérieures. Et voilà. Donc, Voilà pourquoi on est reparti sur ces bases, et maintenant, je crois, on part sur des bases tout à fait normales et saines. Donc, vous n'avez pas à condamner le travail. Vous me dites pas que vous condamnez c'est le Velasco. Vous êtes en train du de... Du tout. Moi, je connais très bien Velasco. C'est un garçon qui a très bien travaillé. Bon, il est peut-être allé un peu loin dans ses conclusions personnelles, mais vous savez, quand on est tout seul sur un sujet comme ça, il est très difficile, de garder quelquefois tout le recul nécessaire. Alors, il n'a pas du tout été désavoué, mais ça faisait plus de 20 ans qu'il travaillait dans cette affaire-là, donc il a été jugé logique de lui donner un remplaçant, et lui, maintenant, il reste au CNES et s'occupe d'activités tout à fait différentes. Oui, il fait décoller des fusées. Voilà. Je connais très bien Jean-Jacques Velasco. Il est venu au Québec sur mon invitation. Ah, très bien. Je le connais personnellement et intimement. Alors donc... Et moi, je l'aime beaucoup. Vous savez, je vous dis tout de suite, je ne considère nullement que la réorganisation en place a eu pour but de les désavouer. Au contraire, mais il était usé un peu par cette activité, si vous voulez, et il souhaitait lui-même changer d'air. Monsieur Sillard, appelons un chat, oui. Ça ressemble beaucoup à un règlement de compte, toute cette histoire de renommer le CEPRA sous un autre nom et de mettre vraiment dans une voie de garage Velasco après 20 années de sa vie qu'il a donné au CEPRA. C'est pas du tout ça, si vous voulez. Velasco est d'ailleurs tout à fait ravi, je peux vous le promettre, de la tournure qui est reprise, parce que lui-même... Pas certain de ça. Il souhaitait depuis plusieurs, des années qu'on reprenne ça dans une forme normale, si vous voulez. Le changement de nom, c'est tout à fait ce qu'il souhaitait également, parce que si vous voulez, CEPRA, le service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique, c'est extrêmement réducteur. Il y a des phénomènes de rentrée atmosphérique, bien sûr, c'est une des explications que l'on trouve dans certaines des observations qui sont rapportées, mais il n'y a pas que ça, et de très loin. Et donc l'appellation groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés est beaucoup plus conforme à l'objectif qui est de répondre à toutes les interrogations que les gens peuvent se poser et puis essayer de comprendre. Parce que si vous voulez, moi je suis totalement sidéré de voir certains scientifiques qui dans ce domaine disent c'est impossible, donc ça n'existe pas. Alors ouais, ça, c'est l'attitude anti-scientifique, la plus anti-scientifique qu'on puisse imaginer. Donc notre démarche actuellement, c'est de dire c'est difficile à comprendre, mais essayons de comprendre, et en tout cas, commençons par prendre en compte les observations qui sont faites, et faisons-le avec le maximum de rigueur, et que de telle sorte, ce ne soit pas contestable. Mais c'est pas du tout, alors j'en reviens en arrière, oui. Pas du tout, si vous voulez, un règlement de compte avec Velasco, pas du tout du tout, au contraire, c'est une satisfaction qui est donnée aux propositions qu'il faisait lui-même déjà depuis plusieurs années. Monsieur Sillard, permettez-moi quand même de vider la question avant qu'on passe au sport, là, une façon de parler à la québécoise, à aller dans le vif du sujet. J'ai devant moi un écrit, ici les écrits restent, les paroles s'envolent, entrevue... Je vous entends mal, excusez-moi. Permettez-moi de vider la question, parce que j'ai devant moi un texte fort intéressant, publié en 2004, et qui est une entrevue accordée à Alain Boudier, et à sa question, je vous la cite... Le CEPRA du CNES fait l'admiration et l'envie de tous les pays du monde. Actuellement, de nombreuses rumeurs circulent. Pourriez-vous nous indiquer quel est l'avenir du CEPRA au sein du CNES? La réponse, avant que je vous donne son nom, de la personne en question, elle a dit, nous continuons le travail. La personne qui s'en occupe a des convictions personnelles et elle s'est exprimée sur le sujet à titre personnel. Elle n'engage pas le CNES. Je suis pour la liberté d'expression dès lors que cette personne précise qu'elle prend la parole en son nom personnel et que la qualité de son travail n'est pas remise en cause. Ça, c'est Yannick Descata qui a dit ça. Interview. Et c'est pour ça que je vous dis que ça rassemblait beaucoup à un règlement de compte lorsqu'on a changé... Non, ce n'est pas un règlement de compte. En tout cas. Bon, ça... Au contraire, si vous voulez, le CNES a hésité à poursuivre ses travaux dans ce domaine. Bon. C'est un domaine qui est difficile, qui est sensible, où on est... vite soumis à des critiques de toutes sortes, si vous voulez, mais la décision a été prise, au contraire, de maintenir l'activité, de lui redonner de la vigueur et de l'épauler par un comité de pilotage qui est quand même composé de gens qui sont les plus intéressés par ce sujet, et là, il n'y a pas de recul. Et vis-à-vis de Jean-Jacques Velasco, encore une fois, il n'y a pas de désaveu, Jean-Jacques Velasco a très bien travaillé, et les déclarations qu'il a pu faire dans son livre sont effectivement considérées comme des déclarations faites à titre personnel, mais ça n'est pas pour autant un désaveu du travail qu'il a fait. Mais pourquoi les gens sont-ils maintenant si frileux après toutes ces années d'enquête depuis 1977? Ça a sûrement avancé, la recherche et les enquêtes au sein du CNES, là, il n'y a pas eu du surplace. D'autant plus que Velasco, en 92, a démontré par une enquête cette histoire là, d'une détection d'OVNI à même le radar de bord d'un avion d'Air France et détection au sol. Bon, on fait quoi ce dossier-là? Il dort sur une tablette, c'est rendu où? Alors tout ça, si vous voulez, est dans une banque de données. Ouais. Hein? Nous allons maintenant redéfinir des méthodes de travail entre le CNES et les différents organismes qui sont susceptibles de prendre des témoignages, comme je vous disais tout à l'heure, gendarmerie nationale, armée de l'air, aviation civile, de façon à continuer à enrichir cette base de données et en plus avec des méthodes d'enregistrement, enfin de prise en compte des témoignages de plus en plus rigoureuses. Oui, mais après. De façon à ce que ceci soit totalement indiscutable, si oui. vous voulez. Oui, oui. Et puis, donc nous allons le GEPAN, à qui on a redonné plus fortement la mission de le faire, le GEPAN enquêtera sur tous les cas qui lui paraîtront intéressants. Alors, il y a déjà des données extrêmement importantes, puisque entre 1951 et maintenant, il y a eu plusieurs milliers de cas qui ont été enregistrés. Sur ces milliers de cas, ils ont été classés en quatre catégories. Je ne sais pas si vous voulez que je vous le redise maintenant. Ouais, vous pouvez, parce que je les connais, mais dites-le-moi. Vous les connaissez, mais enfin, donc, il y a les phénomènes aérospatiaux, les pans de catégorie A qui sont ceux donc, qui sont parfaitement expliqués. On a retrouvé une explication parfaitement naturel, dont on viendra à suivre si vous voulez. Ceux de catégorie B, c'est ceux pour lesquels on est à peu près sûr d'avoir trouvé une explication tout à fait satisfaisante également. Ceux de catégorie C sont les témoignages qui sont inexploitables parce que les choses sont pas suffisamment manque de données, les témoins on sait pas très bien, on n'a pas pu enquêter, etc. Et puis les D, c'est ceux qui sont parfaitement documentés, dont on a vérifié la qualité des témoignages, etc., mais qui sont totalement inexplicables par des phénomènes connus actuellement. Et vous en avez pour quel pourcentage de catégorie D? Alors, des catégories D, on en a 15%. Ben, c'est fort quand même. Si vous éliminez, on a, si vous voulez, 44% de A et B ensemble, hein, c'est-à-dire pratiquement expliqué, on en a 40% qui ne sont pas exploitables, et on a 15% parfaitement exploitables sur le plan des témoignages, vérifiés, etc., mais inexplicable par les données connues actuellement. Si vous éliminez les cas qui ne sont pas exploitables, il reste à ce moment-là, sur les cas qui sont exploitables, il y a 77% qu'on a expliqué et 23% qu'on ne sait pas expliquer. Même si... Alors, voilà où on en est actuellement. On peut imaginer, on peut faire des hypothèses. Oui, oui. Sur ceux qui sont exploitables, on peut faire des hypothèses, on reviendra là-dessus. Mais on n'est pas en mesure, pour l'instant, de dire... Comme peut-être Velasco l'a dit de façon un petit peu rapide, eh ben voilà une explication pour ceux qui sont actuellement inexplicables. Bon, mais il faut quand même avancer des hypothèses. C'est une hypothèse, elle dit, c'est pas une théorie. Alors, si vous voulez, une des hypothèses, mais là, on fait quoi? Mérite d'être examinée, mais qui pose en elle-même d'autres problèmes, ouais. C'est que nous avons affaire à des objets, parce que dans certains cas, c'est pas simplement des phénomènes, si vous voulez, c'est des objets. Quand vous avez des observations visuelles par des témoignages de gens sérieux qui sont complétés par des échos sur des radars, par des phénomènes ou par des traces d'atterrissage sur le sol, il est bien clair que là, il y a quand même très probablement des objets. Et alors, une des explications, c'est de se dire, ces objets, compte tenu de leur performance assez incroyable, elles appartiennent à des civilisations qui sont très en avance sur la nôtre. C'est une hypothèse, bien entendu. Hein, mais cette hypothèse-là, nul n'est actuellement en mesure de la confirmer ou de l'infirmer. Par contre, des études pourront être faites, et sont certainement faites très largement dans d'autres pays comme les États-Unis, pour essayer de valider et d'expliquer, de donner corps à cette hypothèse. Écoutez, je pense que c'est même plus un secret de polychinelle. C'est déjà fait, ce travail, par les Brésiliens, les Argentins, la vague belge avec l'armée belge. Ici, au Canada, on a plein de dossiers au niveau des forces armées, les militaires américains. Vous disiez que c'est déjà fait dans un certain nombre de pays. Ben, il y a beaucoup de pays qui se consacrent à l'étude des ovnis, monsieur Sillard. Vous en convenez? Il y en a moins que je... En tout cas, moi, j'en connais moins que vous semblez le dire, parce que je ne connais pas de services... Je connais très peu de services officiels, sauf dans quelques pays d'Amérique du Sud... Probablement au Brésil, en Russie et en Chine. Le Brésil, vous êtes au courant qu'au Brésil, on travaille en collaboration militaire et le CBU? Vous étiez au courant de ça? Je ne suis pas bien au courant de ce qui se passe au Brésil, je dois le dire. Bon, en Belgique, vous saviez à tout le moins. Bon, la SOBEPS a travaillé avec les forces armées belges. Oui, non, mais il y a eu un moment où en Belgique, il y a eu des réflexions sur ce sujet, là, qui associaient les militaires, c'est vrai, mais actuellement, à mon avis, il n'y a pas de structure permanente qui s'y intéresse. Et il y a peu de pays, croyez-moi, comme je le disais tout à l'heure, à mon avis, le pays où il y a le plus de réflexions, ce sont les États-Unis. Mais officiellement, il n'y en a aucune. Car vous savez très bien que depuis 1969, à la suite d'un rapport qui s'appelle le rapport Condon, très curieusement, les États-Unis ont dit, le sujet n'est pas intéressant, on ne s'en occupe plus. Hein? Et moi, j'ai la conviction personnelle que c'est là, dans ce pays, malgré tout, qu'il y a le plus de réflexions et de connaissances sur la question, mais que pour des raisons qui leur sont propres, les États-Unis cherchent à faire en sorte que tous les autres pays se désintéressent de la question. Et ils pratiquent des opérations de désinformation sur ce sujet-là, visant à ridiculiser ou visant à dissuader toute personne sérieuse de s'occuper du sujet. Et je dois dire qu'en France, ils y sont en grande partie parvenus, puisque on en a parlé déjà au cours des minutes qui viennent de passer, ben, il a fallu se battre un petit peu pour maintenir l'idée qu'il était tout à fait intéressant de maintenir une étude très sérieuse de ce sujet. Alors, la piste exploratoire vers laquelle je voulais vous amener, Monsieur Sciard, c'est qu'après avoir constaté que plusieurs pays ont aussi des radars, des satellites et des stations au sol de radar et des pilotes entraînés sur des avions de chasse qui ont été poursuivis et vus de ces engins et qu'ils possèdent la preuve matérielle de la réalité physique, donc, de ces objets... On fait quoi maintenant avec tout ça? Est-ce qu'on va continuer de discuter du sujet autour d'une table en se disant est-ce que ça existe pas? Ou on va faire un pas de plus et on aura le courage de ses opinions et qu'on va avancer des hypothèses de travail et qu'on va affirmer un jour dans les médias, oui, les objets volants non identifiés existent physiquement. On va le dire une fois pour toutes. Vous savez très bien qu'il y a des gens qui nient totalement la crédibilité de ces choses-là. Moi, personnellement, je ne comprends pas qu'on puisse nier l'existence de choses qui sont constatées par des témoignages sérieux. Mais il reste une très grande difficulté, si vous voulez, pour faire valoir le fait qu'il s'agit de choses sérieuses qui méritent d'être étudiées. Donc moi, personnellement, en ce qui concerne la France en tout cas, je considère que nous sommes encore dans une étape où il faut, en quelque sorte, renforcer la validité des données par une étude et par une attitude encore plus rigoureuse que par le passé et par une information en même temps du public sur ce qui est donné, qu'on n'ait pas du tout l'impression que ceci se passe dans le secret, parce qu'il n'y a pas de secret à avoir. Hein. Et par contre, nous n'en sommes pas encore tout à fait à pouvoir lancer des hypothèses et chercher comment, d'ailleurs ce sera très très difficile, chercher comment valider ces hypothèses. Ce n'est pas du tout un refus, si vous voulez, de regarder les choses en face. Moi j'appelle un chat comme vous. Hein. Mais ouais. Le sujet est tellement sensible, donne lieu à telles opérations, de ce qu'on appelle souvent de désinformation amplifiante. On raconte n'importe quoi. Il y a eu les histoires de dissection d'extraterrestres, etc., qui, à mon avis, étaient fausses, mais qui ont pour objet de créer un climat qui ensuite décrédibilise tout le reste. Vous comprenez? Ouais. Donc il faut commencer par une attitude extrêmement rigoureuse. Et moi, je préside un comité de pilotage dont l'objectif est de commencer à travailler, de continuer à travailler avec le maximum de rigueur et d'enregistrer encore le maximum d'informations. Ça ne nous empêchera pas, une fois les premières étapes passées, de proposer probablement des études pour essayer de valider des hypothèses plus ambitieuses. Est-ce que vous mettez de côté la possibilité de travailler avec la communauté ufologique amateur à travers le globe? Ben, si vous voulez, c'est un problème sur lequel j'ai pas de position claire actuellement. Parce que c'est difficile. Il y a très certainement dans cette communauté ufologique des gens qui sont tout à fait sérieux, mais il y a en même temps, si vous voulez, des gens qui sortent tous les soirs pour examiner quels sont les objets qu'on voit ce soir en orbite, enfin qu'on voit ce soir plutôt dans l'atmosphère. Et il y a une espèce de psychose aussi qui crée une attitude parfois tout à fait exagérée. Donc, dans l'attitude que je cherche à avoir, qui est de placer toute cette étude sur un angle indiscutable, si vous voulez, hein, une approche extrêmement calme, avec une rigueur scientifique totale, la coopération avec ces associations qui sont bénévoles et qui sont, comme je le dis, avec beaucoup de gens intéressants, est difficile. Et je pense que dans un premier temps, il faut pas, ce ne sera pas trop notre désir de coopérer avec eux. Par contre, comme je le disais, une de nos priorités, c'est de donner à tout le monde l'information sur tous les témoignages banalisés, c'est-à-dire anonymisés. On ne va pas donner les noms des gens qui en fait, mais donner des informations sur l'ensemble des témoignages dont on dispose, de façon à ce que tout le monde puisse juger par ses propres moyens de l'état actuel des choses qui sont connues. Et ça, j'aimerais vous entendre m'expliquer comment ça va se faire, parce que depuis le GEPA, on n'a jamais vu sur le site du CNES, le site Internet, j'entends, une section CEPRA où on aurait pu aller lire l'ensemble des dossiers. Comment ça va se faire? C'est pas facile, parce que vous savez bien que il y a des problèmes juridiques qui se posent derrière ça. Quand les gens ont fait des témoignages, etc., on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, nous sommes en train de regarder extrêmement sérieusement quelles sont les limitations. Il y a une chose qui est tout à fait évidente, c'est que dans les données qui seront mises à la connaissance du public, il n'y aura pas les noms des gens ni des lieux géographiques, parce que sinon ces pauvres témoins risquent d'être soumis à des situations impossibles. Mais par contre, notre intention, c'est de mettre le maximum d'informations, en tout cas de donner des informations sur tous les cas recueillis avec le maximum de détails, et de mettre tout ça sur un site internet qui sera un site dépendant de celui du CNES dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, on s'est fixé au plus tard mi-2006 pour mettre ça sur le site. Vos délais, c'est quand les délais là que le GEPAN, le nouveau groupe, va être fonctionnel, opérationnel? Ah ben le nouveau groupe, il est en place. Hein, et donc, il est pour l'instant, il n'y a d'ailleurs qu'une seule personne qui remplace Velasco, qui est Patney, mais qui a un certain nombre de points de contact avec des gens qui travaillent à temps partiel à son profit au sein du CNES. On peut savoir son nom? Comment? Quel est son nom, cette personne qui travaille à la place Monsieur, de... C'est Monsieur Jacques Patenet, P-A-T-E-N-E-T. Le remplaçant de Jean-Jacques Velasco. Il fait quoi, lui? Il a des contacts fréquents avec Jean-Jacques Velasco, qui a bien sûr une connaissance du sujet qu'on continue à utiliser chaque fois qu'on en a besoin. Et ce monsieur Jacques en question, il a quoi comme... Patenet, hein? Jacques, c'est son prénom, Patenet, son nom. Oui, j'ai P-A-T-E-N-E-T. Oui, j'ai bien compris, monsieur Sillard. Je veux savoir quelles sont ses compétences, Jacques Patenet. Alors, je vais vous dire, c'est un ingénieur qui est au CNES depuis déjà pas mal de temps. Je ne sais pas exactement quelle a été sa carrière au sein du CNES. Je peux pas vous répondre, vous en dire beaucoup plus maintenant. Bon, la prochaine rencontre du comité de pilotage est prévue quand? Alors, pour l'instant, nous avons prévu d'auditionner un certain nombre de personnes qui ont des idées sur le phénomène OVNI, et que ce soit des idées négatives ou des idées positives. Et notre prochaine réunion aura lieu dans le courant de janvier, et nous auditionnerons 4 personnes qui ont des opinions assez divergentes sur la façon dont on doit aborder ce phénomène. Et c'est quel type d'individus? C'est des scientifiques, ça? Ce sont de toute catégorie de gens. Nous avons des gens qui sont des rationalistes, des scientifiques. Pour l'instant, nous avons choisi déjà 4 personnes que nous auditionnerons, et qui ont une des 4 personnes sera Monsieur Louange, qui a été celui qui a fait le rapport d'audit. Mais pour les autres, j'ai mieux autant de ne pas vous donner leur nom pour l'instant, puisque ça n'est pas encore officiel. Mais c'est pas rien de top secret, là. Non, il n'y a pas de top secret. Non. Non, non. Est-ce qu'il va exister un numéro de téléphone facile à joindre dans le cas où quelqu'un devient témoin sur le territoire français pour communiquer avec le nouvel organisme? Alors, normalement, si vous voulez, la procédure normale, c'est d'aller voir, quand ça se passe dans une région quelconque, la personne va voir la gendarmerie la plus proche, qui va être encore plus au courant qu'avant de la procédure à suivre. La gendarmerie prend note de tout ce qui lui est dit, fait un procès verbal et l'envoie au CNES. Parce que si vous voulez, c'est tellement le nombre de d'interventions possibles est tel qu'il est nécessaire de démultiplier. Donc on démultiplie, et le premier niveau de recueil de l'information, c'est la gendarmerie, ou c'est la police quand c'est en ville, ou c'est l'armée de l'air quand il s'agit de pilotes militaires, ou c'est l'aviation civile quand il s'agit de pilotes civils. Et ensuite, tous ces témoignages-là vont au CNES. Okay. Ceci dit, il existe déjà un numéro sur lequel les gens peuvent spontanément, ce numéro est au CNES, il y a une messagerie, si vous voulez, où les gens peuvent spontanément déposer des témoignages. Mais ce que nous souhaitons beaucoup, si vous voulez, c'est que la procédure normale par le relais soit de la gendarmerie, soit des autres organismes que j'ai mentionnés, que cette procédure soit observée. C'est la seule façon de travailler avec rigueur. Les gendarmes font un travail tout à fait remarquable dans ce domaine-là. Monsieur Sia, quand vous avez lancé le GEPAN 77, quelle personne êtes-vous allé voir au sein du gouvernement français, j'imagine, pour mettre sur pied le GEPAN? Eh bien, écoutez, j'ai pris la décision de lancer ça pratiquement moi-même. Je me suis assuré que le ministre de tutelle, je ne me rappelle plus qui c'était à l'époque, n'y voyait pas d'objection, mais je peux vous dire que c'est une option que j'ai prise moi-même, parce que j'avais au sein du CNES celui qui devait devenir le premier responsable du GEPAN, qui s'appelait Claude Poher, et qui travaillait sur ce sujet-là, et qui travaillait, comme on dit, en perruque, hein, c'est-à-dire sans que son activité soit reconnue. Et il m'a paru avoir une activité menée avec beaucoup de sérieux, et j'ai trouvé plus correct et plus souhaitable pour tout le monde d'officialiser son activité en créant ce groupement. Avez-vous des contacts actuellement avec le Canada pour qu'une telle chose puisse être lancée, mise sur pied dans notre pays? Nous n'avons pas de contact avec le Canada, mais je vais vous dire une chose, nous n'avons pas pour l'instant de contact sérieux au plan international. Le CEPRA de Jean-Jacques Velasco a été contacté plusieurs fois par des organismes internationaux, mais comme il était tout seul et complètement livré à lui-même, il n'a pas pu, si vous voulez, répondre à ces sollicitations. Donc notre idée maintenant, c'est après une toute première phase, qui est celle de 6 mois, des 6 mois qui viennent, où on remet en place les conventions entre le CNES et les différents organismes de collecte des témoignages, où on met en place le site internet sur lequel les gens pourront trouver les informations. Après ça, ce sera certainement de développer des contacts au plan international. Et pourquoi pas avec le Canada. J'ai par ailleurs dans d'autres circonstances de ma vie eu beaucoup de contacts avec le Canada, quand j'étais délégué général pour l'armement, ou quand j'étais au CNES comme directeur général, ou même quand j'ai aussi été président de l'IFREMER, et dans le domaine marin, j'ai eu aussi des contacts avec le Canada. Alors j'imagine que vous me conseilleriez de faire quoi au sein de mon propre gouvernement si je voulais un peu leur pousser dans le dos afin qu'ils mettent sur pied un organisme d'étude des ovnis? Écoutez, je ne sais pas quelle est la situation au Canada en ce qui concerne les observations ou les demandes de témoignages, si vous voulez. Je considère qu'à partir du moment où un nombre significatif de gens spontanément se manifeste en disant j'ai vu tel ou tel phénomène, je ne comprends pas, je voudrais rendre compte de ce que j'ai vu, il me paraît du devoir de n'importe quel pays de mettre en place la structure qui est souhaitable pour prendre en compte ce genre d'informations. Alors j'espère que votre message a été bien entendu et que certains dirigeants ici même au Québec, ministère de la Défense, quoi que ce soit, a bien entendu votre message. Très bien. C'est le moins qu'on puisse se souhaiter à tout le moins. Maintenant, en terminant, est-ce qu'il y a moyen d'espérer de la part de notre émission ici au Québec, au Canada, l'émission Contact Choc, de pouvoir garder le contact avec vous et de vous rappeler peut-être dans quelques temps, histoire de savoir où vous en êtes rendu dans l'évolution du dossier avec le GEPAN? Eh bien entendu, avec plaisir. Je pense qu'il faut laisser passer les premiers mois, si vous voulez. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait qu'on se revoie peut-être, qu'on se recontacte peut-être dans la deuxième moitié de 2006. Alors, vous me conseillez de vous rappeler à peu près quand, au mois d'avril, mai? Disons, en octobre 2006, par exemple. J'espère que j'aurai quelque chose de plus, d'un peu nouveau à vous dire à ce moment-là. Je vous dirai pas, voilà l'explication des phénomènes que tout le monde voit dans le monde. Mais j'essaierai de vous dire autre chose que ce que je vous dis aujourd'hui. Remarquez que j'apprécierais beaucoup que vous me disiez, oui, on a compris le mode de fonctionnement et on a fabriqué une bagnole. Je serais très heureux par le fait, je vous crois, parce que ce serait une étape importante. Mais je doute qu'on en soit encore là. Nous, on travaille fort au Canada actuellement afin de lancer une collaboration avec les standards de gendarmerie royale du Canada, Sûreté du Québec, notre police nationale. Eh bien, écoutez, c'est... Et on essaiera de voir comment on pourra éventuellement peut-être collaborer avec le CNES. Avec ça, je pense que ce sera tout à fait possible. Enfin, je pense que c'est la première étape qu'il faut prendre. Vous voyez, c'est d'essayer de mettre sur pied un système de collecte qui soit tout à fait indiscutable avec des gens extrêmement sérieux et une centralisation de ces données. C'est la première étape. Et si on ne le fait pas avec assez de rigueur, ce qu'on fait ne sert à rien. Vous voyez? Il faut faire ça, cette étape, de façon très rigoureuse. Monsieur Yves Sihard, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite la meilleure des chances dans la continuité de votre travail et on se reparle donc à compter du mois d'octobre 2006. Voilà, peut-être entendu. Avant. Je vous remercie également. C'était donc Yves Sihard. Mais regardez le paradoxe. Il est question ici de volonté, hein, messieurs, dames. Grâce à son action en 77, faut pas comprendre ici que c'est Claude Power qui a lancé le GEPAN. Tout le monde le croit sur la planète, mais c'est pas ça. C'est vraiment l'action d'un seul homme, sa volonté. Lui, autrement dit, en arrêt de son bureau, là, il regardait travailler Issyar regardait travailler Claude Power, puis il s'est dit, cet homme-là fait une bonne job, c'est sérieux, il s'occupe des ovnis, je vais monter plus haut, je vais aller me chercher des outils, puis je vais lui permettre de continuer de faire avancer son œuvre. Un seul homme. C'est comme ça que ça se passe. C'est tout, c'est final. C'est comme ça que ça pourrait se passer au Québec, au Canada. Une seule personne sérieuse au sein du gouvernement actuel pourrait donc prendre la décision de pousser dans le dos des décideurs et dire « Je veux que le Conseil national de la recherche du Canada reprenne le travail là où elle l'a laissé et que la Gendarmerie royale du Canada soit mandatée de nouveau à colliger les informations à la suite de plaintes en provenance de tous les citoyens du pays pour que l'information ne se perde plus. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous proclamons depuis toujours, nous-mêmes, les gens du réseau OVNI Alerte, ici au Québec, parce que l'information se perd. Et pourquoi on doute tant de la réalité des OVNI? C'est que nous n'avons plus accès à l'information récente. Comment pourrions-nous changer les choses? Le seul moyen, c'est de pouvoir dire aux gens, imaginez un peu le scénario. On installe une toile, pas Internet, là. On installe une toile de communication à l'échelle d'un pays. Et tous les citoyens connaissent l'existence d'un numéro de téléphone à partir duquel il est possible de signaler un phénomène paranormal, insolite, étrange. Baptisons-le comme on veut. Mais ce numéro existait, supposons, à partir de ce soir, minuit. Bon. Et là, on collige et on centralise la totalité de ce qui se passe sur un pays qui mesure 6254 kilomètres de large. À partir de ce moment-là, dans une année, on peut-tu s'entendre que, en se reparlant, on serait en mesure de se dire « Voici la statistique nationale » précise de ce qui s'est produit pendant l'année. On peut pas faire ça actuellement. Même si mon chum Chris Rutkowski de UForum au Manitoba publie une fois là, à travers la presse écrite par l'électronique, ses fameux bilans annuels d'observation OVNI, il y a pas la totalité de ce qui se produit. Ben non! Attention là! Pourquoi vous lisez ça dans les journaux? C'est vrai! Ce ne sont que des enquêteurs privés des ufologues amateurs qui paient de leur poche, qui lui communiquent ce qu'ils savent. C'est une parcelle de la réalité. Lui prend ça pour une vérité de la palisse? Oh, peut-être que son rapport est mieux fait. Je pense qu'il est mieux fait, parce que c'est un scientifique. Je le connais, Chris Rutkowski. C'est un astrophysicien au Manitoba. Je suis certain qu'il a fait un excellent rapport, mais les journalistes, qu'est-ce qu'ils voient? Seulement les chiffres, les conclusions, puis ils prennent pas le temps de dire à la population que ce que l'on lit sur la statistique nationale canadienne, cette année, 141 ovnis ont été vus en 2005. Voyons donc. Voyons donc. 141, ont 6 millions de population. Juste au Québec, mais il y en a 26 millions à travers le pays. 141 observations. On se calme, là. C'est ceux qui ont pris le temps de dire à des ufologues privés à travers les 10 provinces connues du pays qui font qu'ils apparaissent dans les statistiques. Et là, les journalistes sautent ces chiffres puis ils disent, bah, ça n'intéresse plus personne, il n'y a presque plus d'observations. Attention, on n'a pas de moyens de communication, sapresti. Lâchez-moi 2 secondes. Comment voulez-vous qu'on fasse la recherche potente ou potable si on ne nous procure pas les mêmes moyens que n'importe qui fait de la recherche, qui applique les méthodes de la science actuelle, comme à n'importe quel autre niveau? Donnez-nous les mêmes outils si vous voulez qu'on vous produise les mêmes qualités de résultats. Arrêtez de m'achaler avec ça. Une autre affaire. Qu'est-ce qu'il dit, M. Sillard, dans son commentaire? Il dit, L'armée française n'est peut-être pas en accord ou est pas encore préoccupée par l'action du nouveau GEPAN, OK? L'armée, je parle d'armée. Mais avez-vous remarqué que s'il y a, il croit dur comme fer que l'armée américaine possède des grands secrets? Paradoxal en tabarnouche. Pour un ancien ministre responsable de l'armement française, il s'est pas organisé pour que le GEPAN, quand il fait ses audits, les audits, là, hein, en France, là, ils parlent tout avec des diminutifs, ils réduisent tous les mots en France, là, OK? Ça paraît bien. C'est une audition. Ils rencontrent des gens, ils posent des questions, enfin, c'est une entrevue. Ils font des entrevues, ils colligent les commentaires de celui à qui ils posent des questions, ils font un bilan de ça, c'est un papier, et après ça, ils analysent ça, puis ils disent, bon, lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça, lui a dit ça, on s'en va là. Bon. Alors, ils ont rencontré jusqu'à maintenant François Louange, qui est un spécialiste des analyses photo, qui a fait l'audition de 2001, en tout cas, c'est un commentaire personnel qu'il a fait relativement au travail de Jean-Jacques Falasco dans le temps du CEPRA. Et puis là, ce qui m'étonne, c'est que SIAR n'a pas pensé d'inviter des militaires, bon, je pense qu'il l'a fait, là, mais il le dira pas, pour justement les auditionner et leur faire dire, vous autres, là, vous avez des jets, vous avez des satellites, puis tout ça, ça vous dérange pas, là, qu'ils passent des objets volants dans votre espace aérien. Vous n'êtes pas capable de les contrôler, vous n'êtes pas capable de les identifier, vous n'êtes pas capable de les intercepter. Et vous seriez même pas capable de les détruire avec vos exocets puis vos missiles air-air. Malgré votre Eurofighter, vous n'avez pas la technologie pour en venir à bout. Est-ce que peut-être que parce que vous n'avez pas la technologie, on sera en présence de quelque chose qui vous dépasse comme technologie et donc ce serait là la conclusion possible que nous sommes en présence d'un objet physique qui dépasse notre compréhension, notre entendement humain. Mais la maudite science, là, tu sais, cet maudit esprit égoïque, égocentrique, de toujours vouloir être prudent, ça vient que ça m'agace les couilles d'entendre toujours ce discours « on va faire des commissions, on va faire des études ». Voilà pourquoi je tenais tant à présenter cette entrevue avec M. Sia après l'intervention d'Auguste Meissen de la semaine passée, parce que lui, il dit « faut pas faire des commissions. » C'est ce qu'il dit le professeur Meissen en Belgique. Faut cesser de faire ça. Un petit travail noble et humble à petite étape produira des petits résultats, mais comme l'effet papillon, hein, la théorie du chaos, ça produira à long terme de grands bouleversements. Bon, laissons-les ces grands messieurs de la science s'amuser et se gargariser avec leurs diplômes laminés sur les murs. Vous allez comprendre de quoi je parle tantôt quand Gaétan Dubé va s'exprimer. Mais il y a un paradoxe, là. Parce que je me demande ce que M. Sillard croit. Parce qu'il me parle. L'armée française a pas de l'air à vouloir s'intéresser à ce que fait le Japon, mais par contre, lui, il dit, les Américains, ils possèdent des grands secrets. C'est un paradoxe, c'est une croyance, c'est une influence sociale, c'est une naïveté infantile. Et bah, il n'y a rien de top secret là-dedans, pourtant, c'est ce qu'il a dit. Mais il nous nomme pas. Qui, en janvier, va-t-il rencontrer en 2006, à part François Louange? S'il n'y a rien de top secret, pourquoi a-t-il refusé de me donner des noms? Pour protéger encore des petits scientifiques frileux qui ne veulent pas être identifiés au problème des ovnis parce qu'ils ont peur de perdre leur renommée internationale. Oh, lâche-moi donc! Alors, Kim, la montagne, je veux te dire une chose. Excuse-moi si ça prend du temps. Mesdames, messieurs, qui est Kim? C'est la jeune demoiselle, présentée ici avec Micheline, sa mère, dans le cadre de l'émission spéciale portant sur les maisons hantées. Vous savez que à Saint-Rémy, il y a une possibilité. Je vais faire mon scientifique têteux, là, pour pas perdre ma renommée internationale, parce que j'ai un diplôme de philosophie sur mon mur. Alors, il y a supposément et possiblement une maison hantée à Saint-Rémy, et j'avais dit que je m'occuperais de ce dossier-là. Je suis tellement débordé, Kim, et j'ai tellement de dossiers devant moi qu'il faudrait que j'obtienne une subvention de M. André Chenaille, mais M. Chenaille Twain est tellement occupé à Québec qu'il voudra pas m'en donner, et je ne peux pas, malheureusement, me fendre en 10 pour faire tout ce que j'aurais à faire, normalement comme travail. C'est pas une question de manque de volonté, c'est un problème de manque de temps. Alors, je ne t'oublie pas, Kim, je vais m'occuper de ça un moment donné. On va faire les choses dans le temps comme dans le temps. Tu vas comprendre Gaétan Dubé tantôt quand il va parler. Mais on va revenir sur ce sujet des cas de possession de hantises et de maisons hantées le temps. temps venu avec les bons intervenants pour dire les choses d'une manière sensée, scientifique, comme disait Christophe Messen quand j'ai écrit un courriel aujourd'hui sur OVNiScience, où le gars, il est comme Sibylle avec 12 personnalités. Il faut toujours que, tu sais, il tienne des discours doubles. Il parle en privé, il est gentil, puis il joke. Puis quand t'es rendu sur le site officiel, c'est un organe de discussion sur Internet, mesdames, messieurs, c'est fermé, là. C'est juste une gang de bien-pensants, là, qui se parlent entre eux. Mais ça se relance à coup d'argumentation scientifique, puis c'est un astuce discours stérile qui finit plus de finir, puis tout le monde se relance à savoir qui a raison, puis c'est qui a tort, puis tu devrais rallonger ton argument, j'ai pas compris, parce que t'as dit ceci, t'as dit « Hey! Allume! C'est un joke! » Quand je disais que Jean-Jacques Velasco faisait décoller des fusées. Tabarnouche! Faut-tu écrire « joke » après chaque phrase que les Français comprennent? On parle le même langage. Prenez un billet d'avion, venez au Québec, si bonac, vous êtes plus capable de comprendre la subtilité du discours. Ça va faire, là. Alors, mesdames, messieurs, j'ai maintenant en ligne, au bout du fil, directement de Paris, monsieur Didier Gomez, qui est l'éditeur du magazine UFO Mania Magazine et également trésorier de l'association UFO Planète. Alors, nous allons le rejoindre de ce pas et discuter avec lui de ses activités. Bonjour, Didier. Oui, bonjour. Alors, tout va bien pour la France, là, ça ne brûle pas dans votre coin, à tout le moins? Non, ça s'est un peu calmé, là, tout va bien. Bon, est-ce que vous êtes quand même témoin de cette activité nocturne, là, où les jeunes des banlieues font des pieds et des mains en brûlant les automobiles un peu partout? Mais disons que moi, je me trouve, en fait, dans le sud de la France, donc ça c'est quand même atténué par rapport à Paris. Et en plus, je me trouve dans un coin perdu dans la campagne, donc on n'est pas encore... touché par ce phénomène-là. Bon, ben tant mieux. Alors, parlons ufologie, Didier Gomez. Toi, là, maintenant, tu es... t'as toujours quand même été très impliqué dans le domaine de l'ufologie, mais particulièrement à titre d'éditeur du magazine UFO Mania. Est-ce que c'est facile de mettre la main là-dessus à partir du Québec, quand même? Alors, effectivement, depuis le Québec, c'est assez difficile, dans la mesure où nous n'avons pas encore de... Nous ne sommes pas une assez grosse structure pour avoir un réseau en fait de mise en distribution. Donc pour l'instant ça fonctionne uniquement par abonnement, mais depuis la France. Mais on est en train de travailler près de certains correspondants de Québec pour essayer de faire diffuser la revue. Mais c'est possible là, quand même si on s'abonne de pouvoir mettre la main sur la publication. Voilà, tout à fait. Il y a notamment Richard Nolan qui est un auteur bien connu. A écrit quelques bouquins sur le sujet avec qui on est souvent en contact et que je dois voir d'ailleurs très bientôt puisqu'il va venir en France. Oui, il est à Montréal, lui, hein? Voilà, tout à fait. On va essayer de mettre quelque chose en place pour que les personnes qui se trouvent à Québec ou dans les alentours dans la partie francophone du Canada, quoi, puissent avoir la revue à lire. Bon, maintenant, Didier Gomez, là, actuellement, le contenu du magazine Ufomania, qu'est-ce que l'on retrouve dans la dernière édition là, qui vient de paraître? Les dossiers chauds, quels sont-ils? Alors, il y a essentiellement des articles de réflexion sur le sujet OVNI. Et dans le dernier numéro, il y avait un cas qui s'est passé l'an passé, au mois d'août, donc 2004, juste à côté de chez moi, où il y a eu deux personnes qui ont, à 1h du matin, qui ont observé un phénomène très très lumineux et qu'ils ont pris en photo. Donc ça c'est un document assez rare puisque, comme tu le sais, donc il y a des très peu de cas photographiques vraiment en effet. De la route. Et là on a eu un cas vraiment exceptionnel, mais bon on a essayé de faire des analyses un peu, et c'est toujours difficile, surtout... Pour nous qui sommes quand même une structure privée, donc on fonctionne uniquement par le système des abonnements, un peu comme toutes les revues françaises et étrangères. Donc au bout d'un moment, on est limité dans notre champ d'action et dans notre enquête, en fait. Et maintenant, je sais aussi que tu es trésorier de Planète OVNI et on a eu beaucoup de demandes, nous, à partir du site ovnialert.com, oui. De gens qui voulaient obtenir soit un DVD ou à tout le moins, peu importe le support, mais on tenait beaucoup à mettre la main sur un document où il était possible de retrouver les meilleurs extraits de conférences de Chalon-Champagne. Et je pense que toi, t'as produit ça déjà. Alors, effectivement, on vient... Alors, c'est tout chaud, hein. C'est-à-dire que le DVD, là, est en phase de test, on va dire, et il sort le 1er septembre bon. 2005, en même temps que le numéro 45 du Faux-Mania Magazine. Et en fait, pendant les trois jours de Chalon où il y a eu plus de 10 000 visiteurs, donc c'est quand même assez colossal au niveau... ouais, c'est unique en France, ça n'avait jamais été fait depuis les années 50, un tel rassemblement. Je pense que c'est également unique en Europe. Donc moi j'en ai profité pour essayer de travailler pendant ces trois jours et pas juste me contenter d'assister aux conférences et de faire parler du Faux-Mania. Oui. Donc j'ai décidé de travailler et j'ai fait des interviews des plus grands spécialistes français et européens. Et on a mis tout ça en forme là depuis un mois en fait. Et il y a un DVD donc qui sort le 1er décembre. Il y aura plusieurs heures d'enregistrement. Et comment on fait pour mettre la main là-dessus, encore une fois, Didier? Alors depuis le Canada, il y a que le courrier en fait qui fonctionne hein, puisque. Non mais je veux dire, est-ce qu'il y a une adresse internet où on pourrait aller voir peut-être pour remplir, je sais pas, mon espèce de formulaire là pour mettre la main sur ce DVD? Sur notre site internet puisqu'on a un site hein, www.studiovni.com. Alors, www.studioovni.com voilà. Et on a toute l'information à cette adresse. Et sinon, vous pouvez me joindre également directement par courrier. C'est Ufomania Magazine en un seul mot, ou le petit A, le petit escargot là, et wanadu.fr. Alors, donc c'est Ufomania Magazine at wanadu.fr. Ok, je vais répéter, Ufomania Magazine à commercial wanadu.fr pour France. Voilà, wanadu avec deux O à la fin. Oui, on connaît bien ici au Québec. C'est un serveur de France Télécom. Pardon, alors donc sur le DVD, ce que l'on retrouve, entre autres, là, j'ai la liste devant moi, Gildas Bourdet, auteur. Oui. Thierry Clergeau, Bétatori, c'est quoi ça, Bétatori? C'est une revue... qui existe depuis un an ou deux, qui a sorti 7 ou 8 numéros. Donc c'est une revue, ça? Voilà, c'est okay. Une revue, oui, tout à fait. Bruno Bousquet, OVNI Languedoc, lui, c'est un auteur, quoi? Alors, il a écrit deux livres sur le sujet OVNI, mais qui ont une très petite diffusion, qui ont été tirés qu'à 500 exemplaires chacun, et c'est quelqu'un qui se situe à peu près à une centaine de kilomètres de chez moi, et avec qui on est régulièrement en contact, et... il dirige l'association OVNI Languedoc. Il a écrit ça en collaboration avec Robert Roussel, je présume? Non, pas du tout, non. OK, c'est parce que je vois les deux noms, là, c'est pour ça. Alors, Robert Roussel était là également en tant que... même pas en tant qu'intervenant, il était là en tant que simple visiteur, donc à Chalon. Oui. Et j'ai profité qu'il soit là pour qu'il vienne nous dire deux, trois petits mots par rapport au travail qu'il a fait dans les bouquins qu'il a écrits. Et enfin, ce que je tiens à dire, c'est que toutes les personnes qui sont présentes sur le DVD l'ont fait vraiment de façon spontanée, on va dire, et donc ils se sont livrés vraiment de façon informelle, on va dire, et ça a été un grand plaisir pour tout le monde et un grand échange. Et je suis très heureux de retrouver mes bons amis Jean-Luc Rivera, Bertrand Meuse et Jean-Pierre Troidec de présent, donc, dans ce DVD. Voilà, tout à fait, oui. Et Léon Brenning et Auguste Messen sont également dans ce DVD. Voilà, tout à fait. Donc c'était les gros noms. Il y avait quelques responsables de la SOBEF qui étaient là, dont Léon Brenning et Auguste Messen. Et donc évidemment, on a sauté sur l'occasion pour avoir un peu leur avis, notamment par rapport à la vague belge, évidemment, puisqu'ils sont toujours en train d'étudier les cas qui se sont passés dans les années 89-90. Mm-hmm. Donc ça, c'est assez intéressant parce que là, on a quand même une base de données vraiment solide. Aussi, à la SOBEPS, on connaît tous cette association pour leur sérieux. Ils ont travaillé avec l'armée de l'air belge. Enfin, bon, je pense que là, on part sur de bonnes bases. Quand on veut débuter en ufologie, si on lit ce qu'édite la SOBEPS à travers notamment leur revue Infor-Espace. Donc, pour moi, c'était vraiment important qu'ils soient également présents sur ce DVD. Je trouve ça très intéressant parce que, bon, le DVD pour 21 €, ça vaut tout à fait le coup. Ensuite, c'est en version MP3 disponible d'ici Noël 2005. Et pour le magazine, on peut s'abonner, c'est un trimestriel. Et là, je vois que pour l'abonnement, pour 4 parutions annuelles, on doit débourser 48 € pour l'abonnement d'ici du Québec, Canada. Alors, ça veut donc dire, et là, on va répondre à quelques articles du Figaro, Nouvel Observateur, où ces gens-là s'amusaient beaucoup récemment à lancer en boutade que l'ufologie était morte, que les ufologues ne s'occupaient plus d'enquêtes sur le phénomène des ovnis, et pourtant, toi, tu publies un magazine qui se vend. quand même étrange, non? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est suite au congrès de Chalon, en fait, il y a eu pas mal d'articles de presse qui allaient un peu à l'encontre de ce qui se passait vraiment sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a eu, au contraire, une osmose des différents groupements ufologiques. Il y a eu des interventions vraiment très fructueuses de la part de tout le monde. Et on n'a pas retrouvé ça dans la presse. Au contraire, la presse et les médias en général ont continué à bouder l'ufologie française et notamment le congrès de Chalon. Alors bon, on a essayé de faire des démentis, mais évidemment, il n'y a pas eu de suite. Et c'est un peu paradoxal, en fait. Moi qui étais intervenant et qui a même, j'ai été surpris moi-même de la tenue des interventions et de tout ce qui s'est passé pendant ces trois journées. Le paradoxe, en fait, avec ce qui avait été diffusé par les médias et qui disait que l'ufologie était en train de tomber aux oubliettes, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, au contraire. On a le sentiment que il y a une nouvelle ufologie qui est en train de redémarrer et on est en train d'avancer un peu vers peut-être pas vers l'explication finale, parce que là je pense qu'on est très loin de peut-être d'arriver à comprendre ce qui se passe, mais au moins on commence à avancer un peu dans nos différentes théories. Mais mon cher Didier Gomez, toi qui étais à Chalon-Champagne, est-ce que sur place tu as constaté qu'une collaboration internationale semble s'établir d'une manière formelle entre les différents enquêteurs privés ou encore les associations? Est-ce que tu as vraiment senti là que c'est plus solide, c'est plus fort ce désir? Effectivement, il y avait à peu près une centaine de stands où tout le monde présentait ce qu'il faisait, les enquêtes, les bouquins, tout ça. Et dans un deuxième temps, il y avait des conférences où il y avait des intervenants pendant ces trois jours. Et il y a eu une rencontre entre les différents responsables européens, donc aussi bien l'Italie, Suisse, Belgique, République tchèque, France, qui se sont mis plus ou moins d'accord pour collaborer au niveau des recherches, pour qu'il y ait davantage d'échanges. Et donc ça, c'est évidemment un plus. Bon, il faut après peut-être laisser quelques temps pour voir un peu que tout s'installe. Ouais, il faut donner le temps que ça s'installe aussi. Là. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Alors, ça regarde bien. En tout cas, à tout le moins, on peut dire que à travers l'ufologie amateur, parce que ces gens-là, nous, on paie pour faire la recherche, on est en train d'établir des bases solides et ça devrait produire des résultats sur quelques années. Voilà. Bon, on a quand même le sentiment en France que même si le sujet est tabou, même si les médias tournent le sujet en dérision, mais ça depuis très longtemps, on a quand même le sentiment qu'il y a certaines personnes du milieu scientifique et du milieu militaire qui commencent un peu à rentrer dans l'ufologie. Mais bon, ça se fait toujours assez avec discrétion. Mais on a un peu le sentiment que la recherche privée, et les bénévoles comme moi, tous les amateurs de l'ufologie, sentiment que ce travail-là est pris en compte. Donc, effectivement, je pense qu'on peut voir l'avenir sous un ciel plus clément, on va dire. En terminant. Encore une fois qu'un enquêteur de terrain qui met de l'essence dans la bagnole et qui se déplace et qui fait son travail, son boulot correctement, ben on est capable à ce moment-là de bien constater que le phénomène des ovnis est bien réel, matériel, qu'il est physique, qu'il produit une interaction avec son environnement physique, et quand on fait sa job, c'est comme ça qu'on peut le constater, c'est pas en demeurant derrière son clavier d'ordinateur qu'on va le voir. Voilà, ça c'est très important ce que tu dis là, parce qu'en fait, maintenant avec le développement d'Internet, beaucoup restent à la maison, hein, à essayer d'aller un peu sur tous les sites, mais je crois qu'il y a une chose fondamentale, c'est essayer de faire passer des articles dans la presse en faisant passer des appels à témoins, en disant je m'appelle un tel, je fais partie de telle association, je m'intéresse au sujet OVNI. S'il y a des gens qui ont observé un phénomène lumineux ou quelque chose d'étrange, contactez-moi. Et à partir de là, ce qui est fondamental, c'est de se rendre sur le lieu de l'observation et d'essayer de comprendre ce que les témoins ont vu, d'essayer d'amasser comme ça des données pour avoir au final quelque chose de crédible. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que moi, je viens d'écrire un autre bouquin qui va sortir au printemps 2006 et qui recense uniquement sur mon département, qui recense plus d'une centaine de cas qui se sont déroulés depuis les années 50. On s'aperçoit que, en fait, sur 50 ans, puisque ça commence en fait en 1952, avec la célèbre observation de Gaïa, qu'on retrouve ce cas-là référencé dans les bouquins d'Aimé Michel ou de Jimmy Guyet, on s'aperçoit que le phénomène OVNI, en fait, a complètement évolué en rapport avec l'évolution des techniques modernes, on va dire, aéronautiques. On s'aperçoit, par exemple, qu'on ne voit presque plus de soucoupes volantes, alors qu'on en voyait beaucoup dans les années 50, et notamment dans les années 54 en France. Donc ça, c'est assez intéressant de constater cette évolution-là. Et moi, j'en ai profité également pour faire des recherches dans le cadre de cet ouvrage, dans le folklore régional. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout ce qu'on pouvait rattacher aux lutins, aux fées et aux autres créatures et êtres fantastiques. On retrouve une similitude, alors non pas dans l'apparence physique, mais dans le schéma, dans les constructions des récits. Bon, alors je ne sais pas si on va arriver à comprendre un peu mieux ce qui se passe, mais au moins on a des clés, on a des pistes de recherche pour les années futures. Ben, c'est très, très intéressant. On va suivre ça de très près. En tout cas, Didier Gomez, merci d'avoir participé à l'émission. Et rappelons tout de suite à nos auditeurs, auditrices, qu'il y a moyen de mettre la main sur le magazine Ufomania en passant par le site www.studioovni.com. Et à partir de ce site européen, ce site français, vous obtiendrez toutes les informations et sur le CD disponible relativement aux rencontres de Chalon-Champagne, ou à l'intérieur duquel vous allez retrouver plusieurs conférences de gens très importants qui ont participé à cette rencontre entre ufologues au mois dernier. Et vous allez aussi sur ce site retrouver toutes les informations pertinentes de toute façon en rapport avec les activités de M. Didier Gomez, qui est responsable de ce magazine et qui est trésorier également de l'organisme Planète OVNI Planète. Voilà, je le dis correctement, je crois, Didier. Voilà, je voudrais insister sur le site internet, c'est bien Studio OVNI, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un O. Voilà, c'est pas Studio OVNI, c'est Studio OVNI. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est très important. Merci encore une fois, Didier, de ta participation à l'émission. Salutations à Nathalie et aussi à tous les membres de l'équipe de Ufomania Magazine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, effectivement, Didier Gomez, d'OVNI Planète, et également responsable de l'édition d'Ufomania. Sans plus tarder, parce que le temps nous bouscule d'une manière lamentable et terrible, on rejoint maintenant mon collègue, Gaétan Dubé. Je suis en présence de Gaétan Dubé, maintenant un ami de toujours, que l'on rencontre, quoi, on se voit de plus en plus souvent, maintenant que j'habite Montréal-Nord, Gaétan. Oui, c'est ça la joke, hein? Je pense que depuis que tu habites près de chez moi, on se voit moins souvent que dans le temps que tu habitais de Drummondville. C'est épouvantable. Dire que dans le temps où j'étais à Drummondville, une fois là, hein, ça c'était la rencontre sacrée. On se rencontrait sur le balcon l'été, une fois là. Ça commençait à quoi? 19h? Oui. Jusqu'à très tard. Puis il faisait tellement noir, je voyais même pas l'heure sur ma montre. Alors, on avait des bonnes conversations, quoi. Alors Gaétan, t'as commis avec moi cet ouvrage sous forme d'entrevue Processus vers la lumière à la suite de tes nombreuses participations dans le cadre des émissions de télévision à l'époque qui se nommait Alter Ego Spiritus. On se connaît depuis Sommes-nous vraiment seuls, première série télévisée de 1981 à Drummondville, dans le temps de la centrale de compilation ufologique du Québec. Oui, absolument, ouais. T'avais pris contact avec moi à la suite de ma première apparition à la télévision dans le cadre de l'émission Jeannette veut savoir à TVA en 1980. Ouais. On est en 2005, ça fait 25 ans. Ouais, 25 ans, ouais. 25 ans, Gaétan Dubé. Ouais. Ça nous rajeunit pas? Non. Ça nous vieillit pas non plus? Ça va, ouais. Mais là, il s'est passé quelque chose en dedans de Gaétan, parce que pour la plupart des gens qui vont entendre cette entrevue pour la première fois, ils vont se dire, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Et pourquoi il est à la radio ce gars-là? C'est quoi ce processus vers la lumière? Il s'est passé quoi? Faire un bref petit rappel dans ton passé comme expérience pour qu'on puisse avoir une base de départ. Bon, écoute, tu me ramènes un peu, même au départ avec toi, il y a 25 ans. Oui. Lorsque j'avais communiqué avec toi dans le cadre de l'émission Jeannette veut savoir, j'avais écouté l'émission à la télé. Et moi, dans cette période-là, j'étais un petit peu comme en recherche, comme un peu tout le monde. Et j'avais accroché sur ta façon de procéder, etc., ton organisation, ta méthode. Alors, ça m'a plu. Alors, je t'ai écrit. À ce moment-là, on s'est rencontrés. Et petit à petit, de rencontre en rencontre, le phénomène ufologique a été pour moi la bougie d'allumage, si tu veux, sur quelque chose qui déjà probablement était en moi. Donc, plus j'avançais avec toi, plus je me rendais compte que les traces laissées par les ovnis, comme on dit, ou les soucoupes volantes, pour le langage populaire, ces traces physiques m'intéressaient de moins en moins. Et au niveau des enquêtes qu'on faisait ensemble, c'était plutôt les traces mentales qui étaient laissées chez les gens qui me préoccupaient un peu plus et qui me rejoignaient un peu plus. Alors, d'enquête en enquête, je me rendais compte que, personnellement, le phénomène extraterrestre, je sais que c'est un domaine qui t'intéresse beaucoup encore, le phénomène extraterrestre m'interrogeait pas au niveau des traces sur le sol, autant que toi, mais plutôt venait m'interroger sur, comment je pourrais dire ça, sur la source humaine. Quelle est la relation de l'homme, ou sa place de l'homme, en rapport avec le phénomène ufologique contemporain, la façon qui se manifestait, pourquoi moi je m'étais intéressé à ça au niveau des traces mentales. Puis petit à petit, je me suis rendu compte que à travers le phénomène ufologique, qui était encore la bougie d'allumage, je me répète, c'est venu chercher en moi quelque chose qui était là, qui était présent, une source qui était que tout le monde a, évidemment, une source qui amène des réponses aussi, ou nous amène à comprendre un peu plus soi-même. Donc, le phénomène ufologique a pris de moins en moins d'espace pour prendre plus d'espace au niveau de mon espace intérieur à moi. Alors, cet espace intérieur, c'est un nouveau territoire. C'est un territoire qui n'était pas exploité par moi, mais qui de plus en plus a pris de la place. Et prenant de plus en plus de place, je me suis intéressé de moins en moins au phénomène ufologique, pour partir un peu, entre guillemets, en pèlerinage, si tu veux, à l'intérieur de moi-même. Et ce pèlerinage, petit à petit, m'a amené à développer, si tu veux, sur différents sujets, dont le phénomène ufologique. Ça a développé plus ton sens critique, analytique, observationnel, regarder les autres, comment ils pensent, comment ils agissent. Entre autres, oui. Ton sens de psychologie, là. Ouais, le sens psychologique, mais ce à quoi je me suis amené tranquillement, pas vite, c'est le sens psychologique connu, c'était pas celui-là qui m'intéressait encore. Non plus. Et non pas celui dont tout le monde parle, le sens parapsychologique. Ni d'un camp, ni de l'autre, j'étais capable de me retrouver ou d'appartenir à. Donc, si tu n'appartiens pas à la parapsychologie, ou si tu n'appartiens pas au monde psychologique moderne, populaire, t'appartiens à quoi? Ben, t'appartiens de plus en plus à ce que moi j'appelle ton identité propre. Le vide? Le néant? Ton identité. Plus tu es plus près de toi-même, donc t'as de moins en moins besoin d'être psychologique pour être, et t'as de moins en moins besoin d'être parapsychologique pour être aussi. T'es tout seul de ta gang, en mots, t'as dit? Ouais. Au départ, cette sensation-là d'être seul comme ça, ce que toi t'appelles le vide, procure pas une certaine sécurité au départ. Donc, évidemment, ça prend un certain stamina intérieur pour être capable d'évoluer dans ce vide, ce que t'appelles, qui n'est pas vide, mais qui se dégage, si tu veux, de la mémoire connue. Du connu, finalement. Donc, si tu n'es pas psychologique, puis tu n'es pas parapsychologique, mais qu'est-ce que t'es? Hein? La question, elle se pose, qu'est-ce que t'es? Mais ce que tu es se manifeste de plus en plus par la parole. Donc, tu n'as pas à devenir quelque chose, tu n'as qu'à être point. Tantôt, tu te demandais de quoi on va parler. Alors, tu vois, on parle en ce moment, et les choses se placent petit à petit. Les gens ont tendance à parler en fonction d'un connu. Ils ont pas tendance à vouloir parler à partir d'un vide. C'est pas facile au départ. Je sais que des fois, lorsqu'on faisait très souvent, je m'excuse, mais quand le monde parle, c'est vide. Oui, mais c'est pas de ce vide-là que je parle. OK, non, je comprends. Voilà, alors ce que je veux dire, c'est que parfois, même quand on débutait des conférences ensemble, tu semblais noter une petite inquiétude en rapport à ce qu'on va parler. Puis finalement, on s'apercevait que la conférence prenait sa propre forme, et cette forme-là qu'elle prenait, elle est toujours en fonction... Du public assis devant nous. D'un public qui était assis devant nous, en fonction d'un sujet qui était là, qui s'est placé tranquillement et qui, à un moment donné, prenait toute sa place. Parler à partir de rien, on n'a pas l'habitude. Et pourtant, le savoir est là. Et dans ce vide que vous appelez le vide, qui n'est pas vide, mais ce savoir-là se déplace à travers le mental de l'homme et petit à petit prend une forme. Le savoir a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. Le savoir, j'ai toujours donné l'exemple, et depuis très très longtemps, cet exemple-là où on dit que le soleil éclaire, et l'homme qui vit de plus en plus dans son identité est de moins en moins intéressé à l'éclairage qu'il procure. Il est pas intéressé à l'éclairage puisqu'il est sa propre lumière. Donc, l'éclairage sert à lui, oui, mais sert plus aux autres. Mais les autres qui écoutent un savoir doivent petit à petit aussi ne pas s'attacher à la connaissance produite. Ils doivent être de plus en plus rentrés en dedans d'eux-mêmes et savoir par eux-mêmes que la personne qui parle, ils sentirent la vibration de l'autre. Ce n'est plus au niveau de la connaissance que les rapports vont se faire dans l'avenir, ça va être de plus en plus au niveau de l'énergie comme telle. Entre deux personnes. Moi, ça fait 25 ans que je te connais, puis à chaque fois qu'on commence à parler de ça, oups, pas qu'on dérape, on ne dérape pas, mais on se dégage par la force des choses, à cause du pouvoir de la parole à travers un individu et à travers le pouvoir de ta parole ici, on est capable de se dégager et d'aller apprendre quelque chose de neuf. Les gens ont l'intuition forte de plus en plus que s'ils sont fatigués d'entendre les choses se répéter à travers les âges, à travers 25 ans, et même 30 ans, 40, 50 ans, et à un moment donné, lorsqu'on entend parler de quelque chose de nouveau, ça attire l'oreille des gens. Pourquoi? Parce que tout homme est intelligent. Sauf que, pour se sécuriser, on a des réflexes. On a des réflexes purement humains. De vouloir aller voir dans les livres à quelle place qu'une personne a lu telle ou telle chose pour se procurer un genre de sécurité, un buffer, une fusible pour savoir, ah, c'est intéressant. Mais il faut savoir par soi-même ce qu'une personne dit, c'est intelligent ou ce ne l'est pas. Donc, petit à petit, on n'est plus dans le psychologique, on n'est plus dans le parapsychologique, on est vraiment dans sa propre identité. Ça se développe, ça se travaille, ça se cultive, ça se cultive pas. La psychologie, ça se cultive, la parapsychologie, ça se cultive, mais l'identité propre de l'homme, c'est pas une chose que l'on cultive comme des tomates. Ça fonctionne pas comme ça. Ça marche comment? Il y a pas de mécanique où, et je sais que ça te fatigue beaucoup depuis 25 ans avec moi. Il y a pas de livre d'instruction, il y a pas de recette. Et cette chose-là se manifeste de plus en plus dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans leur petit coin, entre guillemets, et qui savent. Et ceux qui savent ne s'inquiètent pas de le démontrer. Bref, madame, messieurs, on parle ici de supramental. C'est ça le mot. Ça a été le mot qui a été le plus employé pour créer le rapprochement le plus près, si on veut, de cette façon d'être que les hommes vont tous vivre tôt ou tard. C'est un mot qui est employé. T'as de l'air à maintenant, t'es plus à l'aise avec. C'est un mot c'est un mot qui a été vraiment galvaudé par le monde psychologique maintenant, le monde parapsychologique, et qui a été, entre guillemets, dans mon langage à moi, et ceux qui savent comprendront, qui a été astralisé. Même le mot supramental, aujourd'hui en 2005, est un mot qui devrait ne pas attirer les mouches. Un peu comme la lumière. Alors, même la lumière aujourd'hui... La banderole jaune dans le chalet, tu vois. Même la lumière aujourd'hui est une chose qui est employée à toutes les sauces au niveau psychologique et parapsychologique. Mais l'homme qui est dans son identité de plus en plus, pour lui, la lumière n'est plus un critère pour aller vers. Donc, tout ce qui est manifesté à l'extérieur, tout ce qui est manifesté à l'extérieur doit passer par ce que j'ai déjà appelé le tribunal de sa propre pensée. Ça, j'adore cette expression-là, le tribunal de l'esprit. Ouais. Expression à la Gaétan Dubé, ça. Oui. Passe ça dans ton tribunal, dans ta, entre tes deux oreilles. Fie-toi pas aux médias parce qu'ils disent « Actuellement, en France, il y a une révolte dans tous les banlieues parce que les jeunes sont en bourgeois le vert et mettent le feu dans les chars. Donc, va pas en France en voyage, tu vas te faire tuer. » Ben, ça peut être un... Ça, des médias. Ça, c'est un phénomène extérieur qui est probant en ce moment. C'est pas celui qui est le plus manifesté, qui est le plus dangereux, puisqu'il est le plus évident. Donc, c'est plutôt les phénomènes qui sont les plus... Oh, c'est subtil, là. Comprenez au deuxième degré. Il y a les phénomènes les plus sournois sont ceux qui se manifestent sous le couvert de la bonté, de la générosité, les grandes valeurs civilisatrices de l'homme qui ont aidé la civilisation de l'homme à avancer. Mais ça va être surtout de ce côté-là que les gens devront passer un peu plus par le tribunal de leur propre pensée lorsqu'on va leur proposer des choses qui, à premier abord, semble être pro-homme. Donc, parles-tu de Guy Cloutier? Moi, personnellement, puis ça fait 25 ans que je t'en parle, jamais je vais investiguer ou parler publiquement de quelqu'un qui existe. Donc, les gens doivent se former une idée à eux-mêmes de tout ce qui se passe. Mais c'est pas le phénomène Cloutier qui nous intéresse ici. C'est encore un phénomène très probant, très extérieur, etc. Moi, là où je m'intéresse, c'est plus là où l'esprit de l'homme est sous le coup près des phénomènes mondiaux qui s'installent. C'est là où l'homme devrait de plus en plus trouver, entre guillemets, une certaine quiétude par rapport à ce qui se passe aux phénomènes extérieurs dans le monde. Et on sent depuis environ une dizaine d'années une accélération à tous les niveaux, soit sur le phénomène social, économique, climatique, et tout ça qui s'installe petit à petit, qui crée de plus en plus de tensions à l'intérieur des individus, des masses, parce que je fais une différence entre la masse et l'individu, ouais, ouais. Et à travers les masses, et ces masses-là qui de plus en plus s'inquiètent, ces masses-là qui de plus en plus prennent des pilules, qui ont un peu plus de misère à vivre la tension qui installe, et tout le monde se demande comment ça se fait. C'est pour ça que c'est là que je m'intéresse à l'individu, c'est là que je m'intéresse aux gens qui de plus en plus par eux-mêmes vont être capables d'avoir un regard, un nouveau regard sur ce qui se passe, non en fonction de créer des tensions de plus en plus, et lorsqu'on en parle, tout ce que ça fait, ça met de l'huile sur le feu, je pense que c'est pas le but. Il faut être capable à partir de soi-même d'évaluer, trier ce qui se passe en fonction de ses besoins et non pas de ses désirs. Donc, mon besoin à moi personnel ne se situe pas au niveau de ce que la masse s'intéresse à. Il va plutôt s'intéresser à moi, comment survivre à cette masse-là. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment on va survivre soi-même, soit moralement, psychologiquement, si vous voulez, et même physiquement, tôt ou tard, par rapport à ça. Donc, c'est évident, si vous me parlez d'un phénomène qui se passe à Paris, c'est sûr que physiquement, j'irai pas m'exposer. Mais si je dois être à Paris pour une raison X et que je dois passer par là, ben évidemment, je vais passer ces bonnes rues. Je passerai pas sur la rue où ça va péter, comme on va dire, en bon québécois. Mais le but, c'est de pas faire de l'extraordinaire avec ça. Le phénomène de l'évolution de l'homme, de plus en plus, c'est pas un phénomène qui va être reconnu de toute façon, qui doit être connu et non pas, il sera pas reconnu par la masse, mais plutôt par certains individus. Même il y a des gens ici dans la région de Saint-Rémy qui me connaissent. Ah ouais? Alors, il y a des gens qui me connaissent ici et ils savent ce de quoi je parle actuellement ne fait pas partie de quelque chose d'extraordinaire. C'est des choses que eux aussi savent. Parce que ça leur arrive actuellement? Parce qu'ils le vivent? Parce que eux savent. Alors, dès que une parole est mise en vibration, dès qu'une personne est capable de vibrer à ça, il va le sentir, il va le savoir. On est même diffusé sur Internet, sur l'ensemble du globe. Alors, quelqu'un qui est en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis ou au Mexique, est-ce que c'est propre au Québec ce qui arrive? Disons que le Québec a été, au niveau parapsychologique, été mis sur un certain piédestal depuis environ une quarantaine d'années. On a vu le Québec comme une terre d'accueil de cette nouvelle énergie-là. Mais malgré le fait que c'est exact, il ne faut pas faire de ça un trip égocentrique québécois. Il ne faut pas voir de la politique. Il ne faut pas voir là-dedans une politique que j'appelle la politique très psychologique humaine. Ça fait partie d'une certaine politique que le Québec est devenu une terre d'accueil de cette intelligence-là, cette nouvelle intelligence-là. Si vous voulez, il faut bien qu'elle se place à quelque part un moment donné. Mais il faut pas faire de ça de une politique ou se péter les bretelles égocentriques à ce niveau-là. En disant on est meilleur que tout le monde parce que c'est ici que ça a commencé. Voilà. Alors là, si vous pensez ça, vous vous piégez encore une fois et vous vous éloignez de votre propre lumière. La suite de ça, Gaétan, c'est de se poser la question, quand toi tu prends l'expression astralisante, qui est là? C'est quoi ça? C'est-tu comme dans le film Ghost, là? Le gars est mort, puis il est pas mort, puis il pense qu'il a vu le tunnel, puis il a pas pris le chemin du tunnel, puis il est pris entre deux eaux, puis pendant qu'il me parle, moi j'ai l'impression que ça me parle, puis c'est moi qui se parle. Comment ça marche? Pour rendre ça graphique, de façon à comprendre un peu plus intellectuellement, le phénomène astralisant que je parle et que d'autres parlent, c'est ce phénomène qui vient créer, si vous voulez, aujourd'hui, en 2005, de plus en plus, une interférence dans la capacité potentielle de l'homme de se savoir lui-même. Ce que je veux dire, c'est cette interférence-là, cette couche qui vient créer une interférence entre la source de l'homme et lui-même. Elle existe depuis très longtemps. Elle a eu son mandat. Elle a eu son mandat, c'est-à-dire ses lignes directives. Elle a eu sa raison d'être. Et de plus en plus, l'homme qui rentre de plus en plus dans sa propre énergie en sent de moins en moins le besoin d'être supporté par une couche astralisante qui vient le sécuriser dans sa mémoire, dans sa façon d'être, etc. D'ailleurs, un homme qui évolue de plus en plus vers sa propre identité va sentir de moins en moins cette couche qui auparavant le supportait, d'où là le vide que vous appelez. Alors, au départ, lorsqu'il se fait déshabiller de sa couche astrale, il y a un peu le frisson. Mmh. Il frissonne vis-à-vis quoi? Il frissonne vis-à-vis sa propre lumière. On n'est pas habitué à vivre de sa propre lumière, donc au départ, on frissonne, on a froid vis-à-vis cette lumière, on cherche à se rabrier de autre chose. On cherche à s'abrier de la parapsychologie, de l'ésotérisme, de la religion, de la politique, de la psychologie. Nommez-moi toutes les formes existantes et je vous trouverai la faille astrale qui est à l'intérieur. Pourquoi d'abord ça a existé? Parce que l'homme était justement, au point de vue évolutif, incapable de vivre de sa propre lumière, donc il devait être protégé. La lumière ne détruira jamais l'homme. Et puis quand je dis la lumière, faut faire attention, là, je veux pas l'employer au sens ésotérique du terme, et ni au sens même psychologique du terme aujourd'hui. La lumière, c'est Dieu pour toi, c'est quoi? La lumière, pour l'ensemble du monde, ou c'est correct comme ça aussi encore, on lui donne un nom. En mathématiques, on va lui donner un symbole, l'infini, parce qu'on le comprend pas. En religion, on va lui donner un nom parce qu'on le comprend pas. En ésotérisme, on va y en donner plusieurs parce qu'encore une fois, on le comprend pas. On se comprend pas. Vous avez vu où ça a passé? On se comprend pas. Fait que si on se comprend pas, faut que quelqu'un nous comprenne. Fait que quand on se comprend pas, on cherche quelqu'un qui nous comprend. Puis quand on a trouvé cette pierre angulaire-là, on la garde jusqu'à temps que cette forme qui nous a plu pendant une vingtaine, une trentaine d'années explose au grand jour ou dans l'intérieur de soi, on passe à une autre forme. Mais on peut pas vivre, on survit comme ça. On ne peut pas vivre en sautant comme une puce d'une béquille à une autre. Mais tant que la béquille nous convient, elle est correcte. Elle fait partie du mouvement de l'esprit à travers cette couche astralisante qui fait du mieux qu'elle peut avec les corps qu'elle a en bas. Donc, tôt ou tard, les formes explosent. Toi, François, il y a 25 ans, t'es pas le même gars. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, il y a des formes qui ont explosé. Il y a des illusions qui se sont... Des croyances qui sont parties. Des croyances qui se sont parties. Donc, la croyance, elle sert jusqu'à temps qu'elle explose. Et quand elle explose, il y a toujours ce qu'on appelle le deuil. Le deuil de cette croyance-là, puis une fois qu'on a fait notre deuil de cette croyance-là, le deuil, c'est un grand vide. Je suis sûr de trois affaires. La croyance vient avant le deuil, et après le deuil, il y a le savoir. Ben, beaucoup, parce que quand tu sais, tu crois plus. Voilà. Donc, c'est bien dit. Quand vous savez, vous n'avez plus besoin de croire. C'est très clair. C'est tellement clair que quand tu sais quelque chose, t'as plus besoin de le croire. Mais quand t'es dans le mécanisme ou la dynamique de la croyance, tu es soumis à tout azimut. Ton mental est ouvert, grand ouvert. Hein? Tu sais, je donnais toujours souvent l'exemple, moi personnellement, dans les conférences, quand on disait, vous savez, vous partez de chez vous, vous venez à la conférence, à voir François, vous barrez, vous verrouillez toutes vos portes. Barre les portes de la maison, tout. Ferme les fenêtres. C'est correct comme ça. Barre les portes de la cave, barre les portes de char. On comprend les raisons. Cependant, lorsque l'homme lui-même, dans sa quête, moi ce que j'appelle dans sa naïveté spirituelle, il s'ouvre à tout azimut. Il est incapable par lui-même de verrouiller quand il veut, par sa propre volonté. Barrer les portes de l'esprit, on va capable de faire ça. Barrer les portes, ça veut dire quoi? Il y a tellement de choses à dire. Barrer les portes, ça veut pas dire se verrouiller à tout. Il faut développer, ce que je veux dire, une nouvelle attitude vis-à-vis la connaissance. Pas le savoir, là. Tu parles toujours de connaissance. Au départ, il faut développer une nouvelle attitude vis-à-vis la connaissance. Mm-hmm. Alors, il faut apprendre à regarder, écouter, m'écouter, vous écouter, sans croire. C'est la base. C'est une job, ça, là. C'est la base de tout. Si vous vous donnez, entre guillemets, l'opportunité d'écouter une personne sans émotivement vibrer, c'est que vous rentrez déjà de plus en plus dans votre propre intelligence. Ça, c'est le signe? C'est un des points communs qu'on peut rencontrer, c'est qu'une personne qui rentre dans son intelligence peut reconnaître une personne qui rentre dans son intelligence. Okay. Une personne qui est trop remplie de connaissances, qui rencontre une personne qui de plus en plus rentre dans son intelligence, c'est sûr que ça va faire des flamèches. Ah ouais. Plus de son côté que celui qui rentre dans son intelligence. La personne qui a plus de connaissances va donner l'impression que les fils se touchent. C'est parce que s'il est honnête intellectuellement dans le temps, il va se rendre compte qu'il sait rien. J'en connais une couple de sceptiques comme ça. Ouais. Une personne qui rentre dans son intelligence n'est pas intéressée à la connaissance. Alors quand même, j'écouterais une personne pendant 4 heures parler. Ça résonne pas. J'ai pas d'intérêt à la connaissance. Mmh. Mmh. Je suis capable d'écouter, mais s'il y a quelque chose d'intelligent qui vibre à un niveau plus élevé, il va me servir. Mais vibratoirement parlant, pas au niveau de la connaissance. Okay. Donc, il faut développer une nouvelle attitude vis-à-vis de la connaissance. Dès qu'on commence à aller, ça devient aller vers ça. Ça devient un outil. Je parlais d'outil. Ça devient un outil valable quand on fait un regard sur ce qui se passe dans le monde. Donc, il faut pas voir dans le phénomène climatique tout de suite l'apocalypse. Il faut pas voir tout de suite dans les phénomènes dans le monde, ouais, des phénomènes ésotériques. Mm-hmm. On recherche le sensationnel, ouais, l'extraordinaire, etc. Regarde, quand ça a pété les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001, toi, t'as vu ça à télé comme tout le monde. T'as vu comment tout le monde capotait. Mm-hmm. Toi, ça t'a-tu fait capoter? Écoutez, je me mets à la place des gens qui étaient là, psychologiquement parlant. C'est ce que moi j'appelle dans mon langage un choc mondial. Ça t'a-tu fait les chocs qui sont faits, qui arrivent dans le monde actuellement, soit qu'elles vous drainent vers le bas ou vous servent. Mm-hmm. Donc, beaucoup de gens qui qu'une personne qui de plus en, qui est soumise à son astralité va, ça va juste mettre de l'huile sur le feu sur son incapacité de plus en plus à se sortir psychologiquement de ça. Donc c'est pour ça que pour les masses, ça a créé un choc énorme. Puis c'est pas fini. Ces chocs-là, ils vont en avoir de plus en plus. Alors, si on n'est pas capable en tant qu'individu de se servir de ça pour réaliser que là, on a la capacité par soi-même de se sortir psychologiquement de cette glu, de ce marasme mondial collectif, pour aller de plus en plus vers une individualisation et se dégager de plus en plus des phénomènes mondiaux qui font partie d'un karma planétaire. Alors, est-ce qu'il y a une volonté derrière ça? Il y a une volonté dans le sens que elle devient la résultante de l'absence d'intelligence dans l'homme. Alors, comment, s'il vous plaît? Elle devient la réalisation, la résultante de l'absence d'intelligence dans l'homme, en d'autres mots. S'il y avait intelligence dans l'homme d'une façon planétaire, est-ce que les tours jumelles auraient tombé? Mais non, on serait encore debout, on serait encore là. Voilà. Donc, s'il y existe ces choses-là dans le monde, elles deviennent la résultante d'un manque d'intelligence dans l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme évolue, que l'homme... on a une téléphonie cellulaire branchée presque 24 heures sur 24 sur soi, un laptop en dessous du bras, qu'on est intelligent pour autant. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que le laptop, les téléphonies cellulaires sont tous des outils fort intéressants, mais elles doivent servir l'homme. C'est pas ce qui arrive actuellement? Non. T'en es pas convaincu? Parce que le côté astral dans l'homme sournois existe, il se manifeste à vitesse exponentielle à travers ces nouveaux outils qui accélèrent le processus actif dans l'homme, crée un effet catalyseur de ses incapacités, de son incompréhension de l'univers. Il va vivre à vitesse grand V, de plus en plus, le manque d'intelligence. Ça conduit à quoi, ça, cette affaire-là? Il va arriver quoi avec ça, ultimement, si on va à vitesse grand V? Parce que moi, quand j'entends aller à vitesse grand V, normalement, tu te pètes la face dans le mur. Ben, c'est ce qu'on voit de plus en plus. On le note à travers le monde de plus en plus. D'ailleurs, les gens qui, honnêtement parlant, regardent le monde et du mieux qu'ils peuvent, ils vont dire, ma foi, est-ce que le destin de l'humanité est entre ses mains? Pourquoi est-ce que tout le monde est capable de se dire en dedans de lui-même, pourquoi ça? On n'en a pas besoin. Et pourtant, d'année en année, ça croît ce que vous appelez le mal. Comment se fait-il que le mal croît de plus en plus et que l'homme sait très bien, il le sait, qu'il n'en a pas besoin? Donc, il existe dans l'homme ce que vous appelez une volonté, il existe à travers l'homme, à travers sa naïveté, de l'énergie qui ne lui appartient pas. OK. Qui se manifeste à travers l'homme pour le besoin de forces qui sont anti-hommes. Et sous le couvert de quoi? Puis, je sais que ça peut sembler pour beaucoup, sous le couvert de sa pensée. Il faut pas aller chercher très très loin la façon de que ces forces se manifestent. Elles se manifestent comment? Et pour le chemin le plus court et le plus facile pour elles, entre guillemets, c'est à travers la pensée. L'homme pense qu'il pense. L'homme pense qu'il possède ses pensées, alors qu'elle le possède. Elle le possède, ses pensées. Les gens disent, oh, je contrôle ma pensée, bien sûr. Arrêtez de penser. Vous en êtes incapable. Pourquoi? Parce que ça passe par vous, ça ne vous appartient pas. Donc, quand on regarde l'incapacité de l'homme à manifester sa propre lumière sur la Terre, cette incapacité vient du fait que l'homme est totalement inconscient actuellement, d'une façon planétaire, je dis, ou au niveau des masses, est totalement incapable de réaliser en tant qu'ego que la pensée qui passe par lui à son insu sous le couvert d'un simple petit mot qui lui fait croire encore plus qu'elle lui appartient, le mot « je ». Et vous me parliez tantôt que l'homme qui va vers son intelligence, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est cette condition qui de plus en plus se fracture à l'intérieur de lui-même, cette condition qui a servi pendant des millénaires, qui se fracture de plus en plus et amène l'individu à se dégager de tout ce qui est connu ou collectif et rentrer de plus en plus, comment, dans son être-té, dans son identité, qui n'appartient plus à cette masse collective qui est totalement manipulée à travers son mental par des pensées qui ne lui appartiennent pas du tout. D'où la source des problèmes. C'est simple, puis c'est compliqué en même temps. Mais quand tu le sais, c'est simple. Mais pour le savoir, ça, quand t'arrives à le savoir, ça, tu le sais pas parce que t'as désiré un matin de le savoir. Si l'homme, avant, au niveau de sa pensée astralisée, pensait qu'il pensait, puis qu'un jour, il arrête de penser qu'il pense, c'est pas par son désir. Ça fait partie d'une volonté, d'un plan qui dit « cosmique », entre guillemets, d'évolution d'une humanité vers. Quand l'homme a commencé à penser, avant qu'il pense, il était à autre chose. Là, il a commencé à penser, puis à un moment donné, il va arrêter de penser, mais il va être plus, si vous voulez, le point de réception de sa lumière, sans interférence astralisante qui crée ce que vous appelez sur la planète le bordel, au niveau, le bordel ou le karma planétaire. Mais l'individu qui avance dans son intelligence, il est plus intéressé, lui, au karma planétaire. Ceux qui s'intéressent au karma planétaire, c'est ceux qui ont eu des âmes sensibles, oui. Mais il faut se dégager de cette sensibilité qui, elle aussi, est astralisée et qui va se servir de votre sensibilité, de votre naïveté spirituelle pour vous amener vers des chemins qui vous semblent lumineux. Qui vous semblent lumineux. Il est là mon point, c'est que l'homme doit aujourd'hui, l'individu, tous autant que nous sommes, petit à petit réaliser que la lumière n'est pas l'objectif. Mais il faut bien employer des mots pour dire quelque chose. Mais quand c'est de mettre en perspective la forme, qui est la lumière, pour lui faire prendre une limite à cette lumière-là qui est astralisante, même si la lumière astrale est très belle, elle est alléchante, elle est intellectuellement élevée, elle est tout de même astralisée. Polarisée, bien, mal, gauche, droite, tout ce que vous voulez, elle a ses limites. Et ce qui va faire que l'individu, petit à petit, va créer de plus en plus d'intelligence sur la Terre, c'est de plus en plus avec des gens qui, de plus en plus, sont intelligents, non pas intellectuellement parlant, non pas égoïquement intelligents, mais qui, de plus en plus, vont se regrouper par vibration et qui vont, petit à petit, créer ce qu'on appelle une couronne au niveau de la planète, une micro-société totalement psychique qui, de plus en plus, va supporter l'humanité. Des poteaux de civilisation. Fait qu'on est loin de l'ésotérisme, là. On est loin de la parapsychologie. L'homme demain, il sera pas parapsychologique. L'homme demain, il sera pas psychologique. Il va être point final. Il va être dans sa propre lumière. Il va être dans sa propre énergie. Fait qu'il y aura pas besoin de la parapsychologie pour y faire dire que les morts existent. Il y aura pas besoin de la parapsychologie pour parler aux morts. Puis il n'y aura pas besoin de la parapsychologie pour dire c'est ça que les morts disent, puis c'est vrai. Voyons donc. Demain, l'homme va être, on disait tantôt, par son propre tribunal. Ben, fait que s'il y a affaire à parler avec un mort, mais le mort, il est mieux d'aligner ses roues. Parce que quand l'homme connaît la dynamique de la descente de l'énergie dans la matière, ben, un mort, pour lui, ça n'a rien d'extraordinaire. Tu sais? Fait qu'on va arrêter de se péter les bretelles parce qu'on parle à des morts. C'est normal parler à des morts, tu sais. Ça va être normal demain de parler à des intelligences qu'aujourd'hui on appelle d'une façon enfantine des extraterrestres. Hein? Fait qu'à un moment donné, faut grandir cosmiquement parlant là-dedans parce qu'on va devenir des gens totalement soumis et ballottés au mode parapsychologique. Tout simplement. Aux émotions qui passent. Fait qu'à un moment donné, si la mode change, puis toi, tu tombes le cul à terre parce qu'à un moment donné, la mode, elle vient de tomber. T'embarques dans une autre mode. Ben, embarquez dans un autre mode, si vous voulez que je vous dise, moi. Je dis pas ça parce que je suis prétentieux. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Moi, je sors d'ici du studio puis je m'en vais. M'en vais travailler puis c'est tout. Il y a pas de reconnaissance là-dedans. J'en veux pas de reconnaissance. La reconnaissance, ça devient astralisant, pesant. Qu'est-ce que je fais avec la reconnaissance, moi? T'sais, on a besoin de reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. Ah, on voit ça à Star Academy. On n'est pas sûr quand on a besoin de reconnaissance. Ah. Quand t'es sûr de toi, puis tu sais quelque chose, t'as-tu besoin d'être reconnu dedans? Ben, c'est le fun, mais ça semble être reconnu, non? Ah, ben, c'est ça. C'est parce que t'es pas sûr. Si t'es sûr vraiment, t'as pas besoin d'être reconnu. Moi, j'ai pas besoin, si je parle du phénomène extraterrestre, j'ai pas besoin, pour l'instant, de savoir de quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça, si c'est si ou ben non, c'est ça. Pas besoin d'avoir une petite plaque de temps en temps laminée pour dire hey, ben, félicitations. Ben oui, il y en a que la Terre est suffisamment laminée en ce moment de diplômes et de doctorats pour regarder ce qui se passe. La Terre a pas besoin de doctorat actuellement. La Terre a besoin d'intelligence. Sauf que ceux qui ont des doctorats, ça aide, mais quand ils vont être intelligents, il va enlever ses plaques sur le mur, puis il va avancer sur la Terre, il va marcher sur le sol de la planète sans avoir ses plaques sur le mur qui le reconnaissent. Il se reconnaît lui-même dans sa propre lumière, et ceux qui sont dans la lumière vont reconnaître la lumière. Il n'y a que la lumière qui peut reconnaître la lumière, voyons donc. Quelqu'un qui est totalement psychologique, qui rencontre quelqu'un qui est totalement dans sa lumière, il verra même pas. Il verra pas. C'est sûr. Il va plus voir ce qui est collectif. Il va plus voir ce qui est marqué dans l'entête du journal de la presse. Ça, il va le reconnaître. Mais ça joue à l'intérieur. Ou il va adhérer à l'OTS, puis il va suivre la game, puis il va se ramasser avec une balle dans la tête, puis une poche de jus de sa tête. Bon, c'est un exemple, mais tu vois le côté astralisant de la situation. Ben c'est toujours rassurant de suivre un gourou, il a l'air de savoir où il va. Mais François, le pire là-dedans, c'est que les gens font pas ça par mauvaise volonté. Les gens font... Mais là, ils veulent évoluer. Voilà, c'est ce que je dis. C'est là mon point. C'est que les gens font pas ça par... On nous vend de l'évolution à Cannes. Les gens font pas ça par mauvaise volonté. On n'est pas suicidaire à ce point-là. C'est juste qu'on connaît pas les lois de l'énergie. On connaît pas les lois de la pensée. Mais il y a personne qui nous en parle. Ah, il y a personne qui nous en parle. Y a-tu du monde? C'est pour ça que j'ai créé ce show-là, pour essayer d'en entendre parler, à tout le moins. Créer un espace et un lieu d'expression où nous allons enfin sortir des cadres normaux de ce qui s'appelle le politically correct. Bon, le politically correct a eu ses raisons. On voit les limites du politically correct. Sauf que les gens qui veulent se dégager du politique correct, comme vous dites, là, très souvent manquent d'intelligence eux aussi, puis ils s'en vont dans la bêtise humaine. Il s'agit pas d'éclabousser les murs de sang pour exprimer quelque chose. C'est pas ça le but. C'est pas le fait de sortir du politique correct, parce qu'on sort du politique correct, là on est correct. Pas ça. Pas ça l'affaire. Le politique correct, ça a fait sa job. Puis le politique incorrect va faire sa job aussi. Faut pas être politique involutif. Faut être politique évolutif. Ça veut dire qu'il faut comprendre l'astralisation de l'homme. Il faut la comprendre, la saisir. Quand on saisit ça, on est capable de composer avec tout le monde qui m'entoure, qui nous entoure, et de vivre. Il s'agit pas de cracher sur celui qui est religieux, sur celui qui est parapsychologue, celui qui est ci ou celui qui est ça. C'est d'amener à ces gens-là, de leur démontrer d'une façon intelligente les limites de la forme dans laquelle ils évoluent, pour leur permettre à eux, à leur tour, de toucher, de sentir de plus en plus leur propre lumière, ce qui fait qu'un jour, le parapsychologue qui voit ça, petit à petit va se dégager de sa parapsychologie, petit à petit, sans l'avoir nié. C'est comme un chemin qui a passé... Comme un serpent qui se dégage de sa vieille peau. Voilà. Donc, il nie pas sa vieille peau. Elle a existé, mais à un moment donné, il passe à autre chose. Mais il y en a qui voudraient traîner toute leur vieille peau avec eux autres. Puis, ces vieilles peaux-là, ils les mettent ses murs, puis il faut qu'ils restent là. Ils les laminent. Ils vont les laminer. Mais toi, Gaétan, ça doit pas être drôle de travailler avec toi. Quand tu parles tout le temps de même, ça doit être lourd. Ben, je suis pas tout le temps de même. Là. Non. Quand je te dis qu'il faut composer avec le social, il faut composer ouais. ici, on compose avec le social. Sauf que là, tu m'ouvres la porte puis tu me demandes de parler. Ben oui, on fait la radio, on n'a pas le choix. Là. Ben, je le fais. Okay. Je le parle. C'est... Mais dans la vie de tous les jours, est-ce que tu donnes plus souvent les réponses ou tu poses plus souvent ou tu poses mieux qu'avant tes questions? Envers un étranger, exemple. C'est-à-dire que je suis moins assujetti à l'émotion drainée par l'autre ou si je sens l'insécurité de l'autre qui veut m'amener sur son terrain pour le sécuriser lui à son tour. J'écoute, j'observe, je regarde... Je vis avec les autres, mais intérieurement, il y a toujours, si tu veux, une distance émotive qui peut-être me permet d'être moins assujetti ou moins astralisé. Je dis bien moins astralisé, parce que c'est, y a rien d'acquis. L'homme doit descendre l'énergie, sa propre énergie sur la terre, c'est une lutte. Et cette lutte-là vous la sentez intérieurement. Tout le monde la sent, cette lutte-là. Écoutez, on parle beaucoup du... Puis je veux juste toucher légèrement... Ah ouais. Un aspect qui, aujourd'hui, est extrêmement sensible. J'ai déjà connu, personnellement, une personne qui venait de l'Algérie. Mm-hmm. Et... Un jour, cet Algérien me demandait, il dit, d'après toi, Gaétan, qu'est-ce que la djihad? J'ai dit, il me demandait, qu'est-ce que c'est la djihad? J'ai dit, la djihad, c'est cette lutte intérieure, dans ton monde, dans ce que tu connais. La djihad, réellement, elle représente la lutte de l'homme contre les forces qui assujettissent l'homme à travers sa pensée. La djihad sera cette lutte de l'homme dans la matière qui va descendre l'énergie de sa propre lumière dans la matière en détruisant l'interférence qui existe entre les deux. Au lieu de la projeter. As-tu compris? Au lieu de la projeter. Ouais. Vers l'extérieur. Ouais. Voilà. Il a dit quoi de ça, lui? Il a rien compris? Non, il sait ça. Il a dit c'est ça? Il devait être surpris qu'un Québécois il parle de même, par exemple. Il dit c'est ça, la djihad. En fait, je veux pas tomber dans le problème politique. Le stéréotype, ouais. C'est que je veux juste me servir de quelque chose pour démontrer qu'une forme qui existe, elle a sa raison d'être. Et si l'œil allumé de l'homme peut regarder cette forme, et qu'est-ce qu'elle est réellement, il va se dégager du même coup de tout l'aspect karmique de ce phénomène-là pour le regarder réellement et le combattre au bon vent. Pas être piégé, à bonne ça, place. Le ça. Combattre à la bonne place. Ça aurait pu tourner le dialogue avec lui en confrontation. En répondant comme ça, t'évites la confrontation. Mais tu rejoins son esprit en lui disant exactement ce qu'il voulait entendre. Ouais, mais dans l'intelligence, il n'y a pas de confrontation. C'est que si lui est capable de poser la question, c'est que déjà il sait. Sauf que lorsque vous lui dites, non pas qu'il la voit en termes de reconnaissance, mais il est capable de dire c'est ça. Je le savais. Oui, mais si on cherche constamment des confirmations à travers toutes nos questions, c'est là encore une belle marque d'insécurité complète. On se doute. Le doute, oui. Se douter, c'est une maladie, ça. Mais c'est pas le doute raisonnable de René Descartes, là. On en est loin. Non. On n'est pas dans le doute raisonnable de Descartes. Le doute, c'est une maladie. C'est la peur. C'est la peur. Le doute, c'est la peur. Le doute, c'est l'ignorance. Le doute, c'est la capacité que l'astral a à se manifester à travers l'homme. Fait que celui qui cherche la reconnaissance, c'est-tu quelqu'un qui doute, ça? Quelqu'un qui cherche constamment la reconnaissance. Constamment. Je dis bien constamment. la reconnaissance, probablement, il doit se douter. Puis en même temps, il doit savoir. Mais il faut qu'il apprenne à vivre avec son savoir. Parce que le savoir puis le doute, ça joue à la balle, hein? Et ça crée des tensions internes, puis ça peut créer des tensions au niveau du cerveau même. Mais le quelqu'un qui se doute constamment, c'est quelqu'un qui, en même temps, a peur de marcher dans ses propres souliers. Marcher dans ses propres souliers. Sauf que les pas qu'il va laisser derrière s'effacent tout le temps. Il n'y a pas de mémoire dans l'intelligence. L'homme qui est dans son intelligence n'accumule aucune mémoire. Pourquoi est-ce qu'il accumulerait de la mémoire? Il sait. Puis savoir, c'est pas un ensemble de connaissances. Puis je vais être clair, là. Le savoir, ce n'est pas un ensemble de connaissances. Mm-hmm. Le savoir, c'est une capacité de l'homme qui a à manifester de la connaissance dans un espace-temps très précis qui va lui servir, lui, à combler des besoins. Point. Transmettre ces connaissances-là à partir d'un savoir font transporter les mots. Les mots étant comme un moyen de transport de l'esprit, parce qu'à un moment donné, dans la matière, c'est de même que ça fonctionne. Alors, il faut parler, et dans la parole, il y a une vibration qui est transportée par un mot. C'est pour ça que je dis qu'il faut pas croire. Faut pas croire la forme. Il faut être capable de savoir l'énergie qu'il y a derrière la forme. Mmh. C'est pour ça que je vous parlais de la lumière tantôt. Faites attention. Parce que si vous commencez à croire la lumière, vous êtes dans le trouble. Puis vous allez vous promener de lumière en lumière. Alors, soyez prudent de ce côté-là, si vous voulez, là. Mais c'est votre problème, anyway. Mais vous, moi, je le dis. Puis à un moment donné, il y en a d'autres qui l'ont dit. Puis vous verrez dans le temps que un moment donné, il y a quelqu'un, il a parlé dans une radio, puis il a dit ci ou il a dit ça. Ou d'autres personnes qui ont dit ci ou dit ça dans certaines conférences. Écoutez, juste pour revenir en arrière, parce que je veux juste discuter de quelque chose. On parle de la maladie de la vache folle. La maladie de la vache folle. Ouais. Il y a un gars au début du siècle, en 1923, qui avertit l'humanité du problème d'alimentation de ces herbivores de protéines animales. Mm-hmm. En 1923, une personne a dit ça. Il y a des textes qui sont disponibles. Vous allez sur Internet, allez les voir. L'humanité avait été avertie en 1923 qu'il fallait éviter de donner des protéines animales à des comme nourriture, des êtres des animaux constitués. Voilà. Donc on l'a fait pareil. On n'a pas écouté. Puis ces gens, cette personne-là, elle a parlé. Mm-hmm. Elle le dit en 1923. On l'a pas écouté. Et voilà. On paye pour aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des gens qui ont été capables d'écouter ces gens-là, ah ouais, qui n'ont pas embarqué dans cette ligne de pensée-là parce qu'ils ont su intérieurement, vibratoirement, ce que lui dit, ça a de l'allure. Fait que t'es en train de me dire qu'il y a peut-être du monde actuellement qui se contrefiche de ce que tu dis. Il y en a d'autres qui sont peut-être en train de vibrer à ce que tu viens de dire. Ouais, que voilà, ça les rejoint. Ouais. Mais mon but, c'est pas... Non, je comprends. Mais ça provoque ça quand même. Mais si les gens veulent ou me demande que tu reviennes, vas-tu accepter de reparticiper à l'émission Contact Choc? Bon. Ou c'est un one shot? Moi, j'ai pas de scénario. OK. J'ai déjà fait dans le passé des conférences avec toi. On avait parlé à travers le Québec à un moment donné. On a fait une assez grande tournée. 97. C'est ça. On a fait une assez grande tournée, etc. Et quand ça s'est manifesté, cette tournée-là, on l'a fait, puis ça s'est terminé, puis voilà. C'est des cycles. Ouais. Alors, si les choses débloquent, si les choses prennent forme petit à petit, on verra. Okay. On regardera ensemble et on s'adaptera. L'intelligence est aussi une capacité de s'adapter. On s'adaptera. C'est tout. J'ai pas de scénario, bon, demain, je pars dans une tournée de conférence. T'sais, je vis pas de même. Gaétan Dubé, merci d'avoir accepté l'invitation à Contact Choc cette semaine. François, grand plaisir à chaque fois. Et à la prochaine. Merci. Ciao. Recherche, animation, idéation, François C. Bourbeau. Tous les habillages sonores de cette émission ont été réalisés par Danny Hébert. Montage hors ligne, François Cébourbeau. Nous désirons remercier le webmestre du site www.ovni-alerte.com, Jean-Philippe Bergeron, ainsi que la graphiste attitrée au site ovni-alerte.com, Mme Sonia Paquet. La diffusion de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de tous les techniciens enquêteurs rattachés au réseau OVNI Alerte, ainsi qu'à la station radiophonique Choc FM 104,9. Producteur délégué et associé, François C. Bourbeau pour ovnialerte.com. Producteur exécutif et associé, Choc FM, le 104,9 Saint-Rémy, à l'adresse internet www.chocfm.com. Toute retransmission de cette émission en partie ou encore en totalité par quelque procédé que ce soit est strictement interdite sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation écrite du producteur exécutif. Vous obtiendrez d'ailleurs l'adresse courriel de ce dernier en consultant le site web officiel du réseau OVNI Alerte grâce à ce lien www.ovni-alerte.com. Merci, Madame, Monsieur, de votre fidèle présence et nous comptons sur vous lors de notre prochaine rencontre à l'émission Contact Choc. À très bientôt, bonsoir et à la prochaine.